quand on pense à artificiel, où on pourrait penser ordinateur ou tout ce qui va avec ça, on va plutôt prendre peut-être le côté gauche qui est l'intellect. Pour moi, intelligence artificielle, là, sans, à premier abord, ça me fait penser à, tu prends un moteur, tu sais, quand j'étais jeune, je me rappelle avoir déjà vu un moteur transparent, comme en plastique, puis tu voyais comment tes soupapes, tout marchait, tu sais. C'est quelque chose d'artificiel. Mais si tu mets une explosion ou une étincelle dedans, comme un vrai moteur, si tu veux, là, ça devient plus proche d'être une forme d'intelligence qui s'anime par elle-même, si tu veux. Fait que tu pourrais-tu dire, à soi, dans quel sens qu'on va partir, tu sais? Oui, avec une explosion. Bon. L'intelligence qui est artificielle, c'est l'intelligence qui plane sur la planète Terre. L'idée même d'une intelligence artificielle permet premièrement de mieux comprendre le phénomène de la manipulation de l'extérieur chez l'homme, et il permet aussi de comprendre un peu, disons, la destinée de l'homme. Pourquoi l'homme est destiné à être destiné et pourquoi l'homme est destiné à être manipulé. L'homme est manipulé soit par les forces d'en bas, donc l'astral, ou soit par les forces d'en haut, disons l'énergie supramentale, ou appelons-la Dieu, ou appelons-la comme l'on voudra. Alors, ce qui fait que l'être humain qui vit dans un contexte manipulatif ne peut pas, s'il n'est pas suffisamment intelligent, se rendre compte qu'il est manipulé. Et d'ailleurs, le premier objectif d'une forme qui manipule, c'est de s'arranger pour que la chose manipulée ne sache pas qu'elle est manipulée. Sinon, il risque d'y avoir un conflit. Alors, ce qui fait que les parents qui manipulent leurs enfants vont toujours s'arranger pour être, disons, diplomatiquement suffisamment efficace pour que jamais l'enfant s'en rende compte. Quand l'enfant s'en rend compte, il y a des crises au sein de la famille, il y a des perturbations. Alors, ou soit les parents cessent leur manipulation pour devoir travailler en collaboration avec leurs enfants, ou encore, soit que l'enfant déménage simplement. Alors, ce qui arrive, c'est que chez l'homme, chez l'être humain, on a fait à croire à l'homme qu'il pouvait être intelligent. On a fait croire à l'homme, premièrement, qu'il avait le choix entre le bien et le mal, que l'homme pouvait choisir entre les forces d'en haut et les forces d'en bas, donc Dieu ou Satan. On a fait croire à l'homme que l'homme avait un libre arbitre, que l'homme pouvait donc mener lui-même la destinée de sa vie. Maintenant, preuve à l'appui, quelques millions d'années d'évolution, l'homme devrait commencer à se rendre compte qu'il ne peut effectivement pas mener sa vie comme il l'entend. On a l'auto que l'on peut avoir, on a la femme ou le mari que l'on peut avoir, hein. On fait un choix à un moment donné, un choix qui est très fictif, un choix qui est très manipulatif, choix que l'on va regretter ou qu'on va simplement, disons, découvrir les béatitudes de ce choix-là par après. Mais jamais, lorsque l'homme prend une décision, il ne connaît les conséquences de sa décision. Alors, ce qui fait que la manipulation de l'astral, donc la manipulation de la psychologie planétaire, manipulation de la psychologie qui pourrait se répercuter sous forme de politique, sous forme de religion, sous forme de morale. Ne pas faire quelque chose parce que ça ne se fait pas, c'est la définition parfaite d'une manipulation. Et Dieu sait, et l'homme aussi, et moi aussi, que l'être humain sur la planète fait énormément de choses parce que ça se fait et s'empêche de faire énormément de choses parce que ça ne se fait pas. Alors, l'être humain qui réfléchit, l'être humain qui se donne l'impression de créer, l'être humain qui se donne l'impression de se prendre en main, est un être humain qui est manipulé. L'intelligence de l'homme est une intelligence hyper artificielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une intelligence intelligente. Qu'est-ce qu'une intelligence intelligente? Et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? L'homme croit réfléchir. Il va exprimer sa réflexion dans une transformation extérieure à lui, normalement. Donc, il va avoir une idée, il va la mettre en pratique. Ou encore, s'il ne la met pas en pratique, il peut la ruminer suffisamment pour se créer des formes de maladie, ce qui revient au même, c'est une expression de celle de son idée, de sa pensée. Expression dans le domaine de la matière par travail de l'homme, par mouvement de l'homme, ou dans le domaine de son plan physique par refoulement, donc par travail des plans astro, vitaux et physiques. L'homme qui a une idée, l'homme qui réfléchit ne peut mettre son idée en pratique que si l'extérieur lui permet de la mettre en pratique. Donc, une idée qui vient dans l'esprit de l'homme ne peut réellement être exprimée dans l'extérieur pour être gravée dans la matière et dans le temps que si la matière et le temps se prêtent à l'expression de l'idée. Autrement dit, l'homme a une idée et si l'homme essaie d'exprimer cette idée-là, quand le temps ou l'espace ne s'y prête pas, l'idée va simplement être détruite ou va devoir être exprimée d'une manière divergente. Alors, tu as l'idée de créer une nouvelle invention qui permettrait à l'homme de traverser les murs. Maintenant, si la psychologie de l'homme n'est pas suffisamment développée pour pouvoir accepter l'idée de s'habiller d'un vêtement qui permet de traverser les murs, et l'homme n'est pas suffisamment développé pour vouloir tenter à la course de traverser un mur de béton, l'idée même, l'expression de ton idée ne pourra jamais aboutir dans quelque chose de réellement concret. Tu devras prouver, tu devras passer par des cheminements qui n'étaient pas à l'origine prévus par ton idée. Tu devras prouver publiquement que ton vêtement inventé permet à l'être humain de traverser les murs. Tu devras aussi prouver que tu n'es pas une exception de la race et que n'importe qui est vêtu du vêtement peut traverser un mur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais même si, après avoir prouvé, cela arriverait à fonctionner, que l'humanité décide de s'habiller de ces vêtements-là pour traverser les murs, alors on aurait des maisons plus de portes. Alors, ce que ça donnerait simplement, c'est que l'idée originale que tu as eue n'a pas pu être exprimée selon son originalité. Elle a été transformée par l'extérieur. L'être humain qui réfléchit n'a qu'une intelligence artificielle. L'intelligence, qu'est-ce qu'une intelligence intelligente? Disons, l'énergie qui arrive dans un plan spatio-temporel, prenons par exemple le plan expérimental de la planète Terre, l'énergie intelligente, c'est une énergie qui descend dans le plan planétaire et qui est capable, en se dirigeant d'un point vers un autre point, de tout faire éclater ce qui se trouve devant elle, de bousculer, de pousser, de transformer tout ce qui se trouve devant elle. Et l'énergie intelligente de l'homme se trouve à être transformée, à être bousculée, à être déviée par tout ce qui se trouve devant elle. Alors, on voit immédiatement la différence entre l'intelligence supramentale en montant et l'intelligence mentale en descendant. L'intelligence mentale de l'homme est une intelligence qui n'est pas intelligente. C'est une intelligence qui est reliée aux mémoires et qui est dépendante dans son expressivité des expressions de l'extérieur. Je ne peux traverser un mur parce qu'il y a un mur. Mon intelligence est artificielle et elle devra se buter contre le mur. Je devrais donc transformer l'expression de mon idée et je vais devoir contourner le mur, fabriquer une porte, grimper par-dessus le mur, passer sous le mur. Ce qui me donne l'impression que je suis intelligent parce que j'ai réussi, dans une certaine limite, à exprimer l'idée de traverser le mur. Mais j'ai été, dans l'expression de mon idée, obligé de transformer radicalement l'idée de problème en problème. Alors, ce qui fait que l'intelligence de l'homme n'est permise, l'expression de son intelligence n'est possible que s'il y a adaptation des forces de mémoire à accumuler dans ses mémoires l'expérience du moment présent avec les expériences des moments passés. Ce qui veut dire que l'homme, qui a une intelligence artificielle, est obligé de se servir de son expérience, il est obligé d'arrêter une expression intelligente pour pouvoir la modifier, pour pouvoir poursuivre son expression. Sinon, il devra complètement abandonner l'idée d'exprimer l'idée. L'intelligence intelligente, l'intelligence supramentale, elle va descendre dans le plan planétaire et va obliger, donc elle manipule, mais elle-même, de par elle-même, est parfaitement intelligente et elle n'est pas artificielle. Et elle va descendre et elle va projeter tout ce qui se trouve sur son chemin en périphérie de son passage. Ce qui veut dire que tu t'en vas en auto, tu roules sur une autoroute et tu es une expression d'intelligence humaine. Tu rencontres une flaque de glace, tu prends le champ. Tu as un véhicule 4 roues motrices, tu branches tes 4 pattes, tu ressors du champ, tu reprends la route. Mais l'expression de l'idée a été déviée par un phénomène spatio-temporel. Tu continues ton cheminement et tu arrives devant deux autos qui se sont imbriquées l'une dans l'autre et qui brûlent. Encore une fois, tu dois réfléchir, réadapter l'expression de ton intelligence à l'événement extérieur. Donc, tu es manipulé par l'événement extérieur qui, lui, de par sa présence, t'oblige à transformer l'expression de l'idée. Quand l'énergie pure, quand l'énergie intelligente pure descend dans un plan planétaire et pénètre dans un homme ou dans une femme, il est pur, il est parfaitement intelligent. Pénétrant dans l'homme, l'homme est projeté par l'énergie intelligente. Et l'homme étant projeté représente l'intelligence artificielle dans son expression. Alors cela veut dire que tu as une idée qui t'est amenée, donc que tu admets, une idée qui vient du plan astral, du plan mental ou du plan supramental, qui sont des intelligences non pas artificielles, mais par contre aberrées. Ils ont une intelligence dans leur intelligence, mais qui est de beaucoup inférieure à l'énergie du supramental. Par contre, ce ne sont pas des formes d'intelligence aberrée artificielle, ce sont des formes d'intelligence aberrée réelle. L'être humain qui reçoit, quelle que soit la forme d'énergie intelligente, donc du plan astral, mental ou supramental, cet être humain-là n'est pas capable, parce qu'il est insuffisamment évolué, il n'est pas capable de la laisser s'exprimer comme il la reçoit. Automatiquement, il est projeté. On dit souvent que l'énergie qui passe dans l'homme est déviée par l'homme. En réalité, l'énergie qui passe dans l'homme continue à passer, mais l'homme est dévié. Ce qui, par rapport à l'homme, disons, donne l'impression d'une déviation de l'énergie qui vient de passer. Alors, l'énergie de l'astral, l'énergie du mental, ou plus précisément l'énergie du supramental, qui descend chez l'homme, oblige l'homme à bouger, parce qu'elle ne bouge pas. L'homme n'étant pas un canal suffisamment développé, l'homme ne peut laisser l'énergie qu'il traverse le traverser en ligne droite pour pouvoir poursuivre son chemin. Autrement dit, l'homme n'est pas poussé par l'énergie dans le sens de l'énergie, l'homme est projeté à côté du sens de l'énergie. Ce qui amène l'homme à mémoriser le phénomène de captation d'énergie et à devoir travailler avec la mémoire de cette captation d'énergie. Parce que l'homme ayant été projeté à côté du passage de l'énergie, il n'est plus en contact avec l'énergie qui l'a poussé. L'homme a pu, grâce à sa mémoire astrale, enregistrer l'expérience de l'énergie et, à partir de là, il arrive à pouvoir exprimer les mémoires de ce passage d'énergie. Il va les exprimer, mais à partir de cet instant même, l'homme exprime une intelligence artificielle. Il exprime l'intelligence qui est déviée. Donc, l'homme, à chaque fois qu'il est projeté de son centre, devient artificiel. L'homme est artificiel dans son intelligence parce que tout ce qu'il veut exprimer ne peut rien bouleverser. Tout ce que l'homme veut exprimer ne peut qu'être transformé par l'extérieur. Même un contexte publicitaire qui a comme fonction de manipuler une population à venir acheter un produit plutôt qu'un autre ne va être exprimé que selon le contexte de l'extérieur. On n'annoncera pas du beurre de peanut dans un pays où toutes les maisons sont construites en pot de beurre de peanut plein. On va annoncer du beurre de peanut dans un pays où il est possible que l'on ait besoin de beurre de peanut. Alors, ce qui fait que même la publicité manipulatrice ou quelque forme d'expression manipulatrice d'un être humain, un prêtre, un gourou, un maître, un enseignant, n'importe qui, ne peut faire autrement que d'adapter sa manipulation à l'objet à manipuler. Il ne peut y avoir manipulation par un manipulateur que si la chose à manipuler est prête à être manipulée par le manipulateur. Sinon, il y a une rencontre, disons, impossible entre la chose à manipuler et le manipulateur. L'un des deux n'est pas adéquat. Si les deux sont adéquats, automatiquement, lui pourra manipuler l'autre, mais il pourra le manipuler selon le contexte, dont d'évolution de la chose manipulée qui lui permet d'être manipulé. Si toi, tu n'as pas peur des chiens, Je ne peux pas te faire peur en te présentant un chien. Si par contre tu as peur des chats, je devrais donc penser que tu as peur des chats et non pas des chiens, trouver un chat et te présenter un chat pour te faire peur. Te présentant un chat, je te manipule. Je suscite de par ma décision chez toi la peur, sans que toi tu n'aies à y penser. Donc je te manipule. Mais je suis obligé de me plier à ton évolution, je suis obligé de me plier à toi pour te manipuler. Ce qui, en d'autres mots, veut dire que tu me manipules suffisamment pour que si je veux te manipuler, je dois premièrement me plier à ta manipulation. Alors, ce qui fait que l'être humain qui exprime dans un domaine spatio-temporel, dans le monde planétaire de l'homme, est automatiquement obligé de retransformer, de repenser continuellement à l'expression de l'énergie qu'il veut exprimer. Ce qui est différent de l'énergie intelligente qui, elle, lors de son passage, passe. Disons qu'on regarde au parallèle. J'allais dire, mais tu as répondu à la question, où finit l'intelligence puis où commence l'artificiel? Mais auparavant, il y a plusieurs années, on aurait pensé l'intelligence, c'est quelque chose de pur, d'abstrait qui flotte. Là. À ce temps qu'on sait que ça utilise des l'homme formes... L'homme flotte. À ce temps qu'on sait que l'intelligence utilise des formes puis qu'elle n'est pas obligée d'utiliser des belles formes. Si elle a besoin de donner une leçon, elle peut utiliser une forme qui est laide ou comme tu as déjà parlé, qui pour l'homme paraît pas adéquate, mais qui pour l'intelligence est adéquate. À ce moment-là, on ne peut pas se fier du tout sur la forme pour savoir si c'est artificiel ou pas. Non. Mais, la seule chose, de toute façon, l'homme ne peut pas percevoir une énergie intelligente. L'homme ne peut pas en percevoir. L'homme ne peut que imaginer que cela existe. L'homme ne peut que avoir une idée que cela existe, mais l'homme ne peut rien faire avec l'énergie intelligente tant que l'homme ne sera pas devenu un canal parfait. Parce que toi, tu as l'impression que tu connais l'intelligence intelligente, l'intelligence active, donc l'énergie supramentale, et de temps en temps, tu as l'impression que tu es relié à l'énergie de l'intelligence supramentale. Mais si tu serais un canal parfait pour pouvoir exprimer cette énergie, tu serais toi-même supramental, tu rayonnerais d'une façon supramentale, tu pourrais de toute façon posséder un deuxième corps dans le plan éthérique, donc dans le plan supramental, et tu aurais deux formes de travaux à faire, une qui serait exprimée en totalité dans le plan de l'énergie supramentale et une qui serait exprimée en diffusion dans le plan de l'énergie humaine. L'énergie supramentale ne peut présentement pas s'exprimer dans le plan, dans le contexte d'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut l'avoir. Autrement dit, l'énergie supramentale s'exprime dans le plan de l'homme, mais pour l'homme, elle ne peut s'exprimer. Pour l'homme, elle ne s'exprime pas parce que l'homme ne la voit pas. Et comme l'évolution de l'homme se fait à partir de l'homme, donc l'énergie ne s'exprime pas pour l'homme qui ne peut la voir s'exprimer. Et l'homme qui ne peut la voir s'exprimer est un homme qui ne peut la laisser passer sans être dévié lui-même par l'énergie du supramental. Autrement dit, l'individu même qui a un contact supramental en fait automatiquement une expérience, ce qui fait qu'il le relègue au plan de ses mémoires astrales, ce qui fait que cette expérience sera colorée par les expériences antécédentes, elle sera colorée par les bribes d'énergie supramentale émises par les autres individus qui ont été en relation avec une parcelle d'énergie supramentale avant d'être bousculée, ce qui fait que l'individu pourra devenir, s'il est une parfaite expression imparfaite de l'énergie supramentale, un individu qui pourra briser des formes, c'est-à-dire qui pourra exprimer d'une façon la plus complète et la plus parfaite possible, toujours en état imparfait, comparativement à l'énergie première, l'énergie supramentale, une mémoire de l'énergie supramentale qui aura donc comme effet de briser les formes chez les individus. C'est-à-dire qu'elle aura comme effet de poursuivre le travail de l'énergie supramentale, donc de bouleverser, de dévier, de projeter, de gorocher tout le monde. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'individu lui-même est un individu qui est projeté par l'énergie supramentale. Tu es continuellement manipulé. L'être humain qui reçoit de l'énergie de type astral, l'être humain qui reçoit une publicité, automatiquement, si l'énergie de la psychologie sociétaire de l'astral sous forme publicité le traverse de fond en comble par un canal parfait créé au niveau du plan astral, par l'énergie mentale, automatiquement, la publicité n'a aucun effet sur l'être humain. La publicité n'a même pas de trace dans la mémoire de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain sert de canal, un canal parfait à l'énergie de l'astral. L'être humain étant imparfait dans toutes ses expressions de canaux, alors automatiquement, il y aura une trace laissée chez l'être humain. On pourrait dire que l'être humain est un tuyau parfaitement croche, au lieu d'être parfaitement droit. Et chaque fois qu'une énergie traverse le tuyau, elle est déviée par le tuyau qui est croche. Étant déviée, il y a érosion sur les parois du tuyau, ce qui fait qu'il y a donc un tracé qui apparaît lentement à l'intérieur du tuyau, ce qui est la mémoire. Donc, l'énergie qui descend grave dans la mémoire de l'être humain son passage. Et en descendant, elle rebondit sur la paroi du tuyau, ce qui va amener une déformation à l'énergie, ce qui va donc graver dans la mémoire du tuyau une connaissance ou encore une expression colorée, imparfaite de l'énergie qui, à l'origine, a pénétré par l'orifice du tuyau. En plus de cela, l'énergie passe tellement puissamment à l'intérieur d'un tuyau qui est imparfait que notre tuyau, notre homme, notre mémoire, envole. Une fois qu'elle est partie, elle a en elle la gravure laissée par l'énergie. Cette gravure-là, c'est la mémoire chez l'homme. Il y a une trace dans ta mémoire. L'énergie a gravé une expérience dans ta mémoire et toi, tu devras donc essayer de connaître l'énergie intelligente à partir des traces laissées dans ton tuyau, dans ta mémoire. Et tu ne connaîtras évidemment que la déformation de l'énergie, déformation colorée par la forme du tuyau, donc la mémoire de ton astral. Si l'énergie passe directement et qu'elle ne peut laisser de traces à l'intérieur de ton tuyau, toi, tu n'as pas connaissance du passage de l'énergie. Tu ne peux avoir connaissance que si tu es croche, donc si tu es imparfait. Si tu es parfait en termes de canal, tu n'auras jamais connaissance ou même conscience du passage de l'énergie. Par contre, ton évolution ne pourra être déviée par l'énergie. Si je fais passer un fil ou encore je fais passer, disons, un faisceau de laser dans un tuyau et que le faisceau est suffisamment dense pour que notre tuyau ne puisse plus sortir du faisceau laser tant que le laser est en fonction, le seul chemin de notre tuyau est dans le sens des photons et dans le sens de l'énergie du laser. Par contre, le tuyau ne subit pas d'érosion, il ne subit pas de heurts. Évidemment, dans le domaine de la matière, il y a toujours une légère érosion. Dans le domaine des énergies, c'est totalement différent. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'individu qui est un canal pour l'énergie supramentale, cet individu-là arrive à un état d'être inconscient et totalement parfait. Il ne sait pas qu'il est parfait et c'est pourquoi il est parfait. À l'instant même où l'individu prend conscience qu'il est parfait, il lit dans sa mémoire une expérience, et lisant dans sa mémoire une expérience, il ne prend en réalité conscience qu'il a été parfait, car il n'est plus parfait. Alors donc, l'énergie intelligente, une intelligence intelligente, ne va s'exprimer dans le domaine de l'homme que par un faisceau qui est indéviable, irréductible et qui devra passer. En passant, il va donc précipiter tout partout autour de lui les individus ou les événements, tous les contextes vibratoires inférieurs de la planète Terre, ce qui va donc amener chez l'être humain un bouleversement, une espèce d'apocalypse de la phase astrale et de la phase mentale de l'être humain. Donc, on s'aperçoit de cette forme d'énergie-là seulement lorsqu'on y oppose la résistance. À ce temps, si on parle, tu as parlé des traces laissées dans la mémoire. Si les traces sont laissées dans l'organique ou l'inorganique, si tu, mettons, je veux dire dans nos gènes ou dans une cassette ou dans un atome, est-ce que c'est différent cette trace-là qui est laissée ou si ça n'a pas d'importance pour le. Non, la trace est laissée au niveau du plan astral et elle est mémorisée par la suite au niveau du plan chimique à l'intérieur du corps humain. Maintenant, la trace elle-même n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le véhicule de l'homme qui aura à se servir de l'expérience. Autrement dit, si c'est l'intelligence de l'astral, l'intelligence aberrée de l'astral qui se sert de l'expérience, il parfaitera la coloration pour pouvoir l'adapter à ses goûts, à ses désirs, à l'expression que lui-même aurait voulu que l'énergie divine ait. Si c'est le plan mental qui se sert de l'expérience, il va donc intellectualiser l'expérience, mais l'intellectualisant, il pourra peut-être arriver à comprendre le mécanisme même du canal, donc l'intellectualisant, il pourra peut-être, à la longue, réussir à redresser le canal, donc à parfaire le canal. Alors l'énergie de l'intellect est une intelligence qui est artificielle, parce que l'énergie de l'intellect dépend de la mémoire. Elle dépend aussi de la coloration de l'astral sur l'intellect. Donc, l'intelligence de l'homme, l'intelligence qui a permis à l'homme de créer un cerveau à l'image du sien, l'intelligence qui a permis à l'homme de créer une intelligence artificielle à l'image du sien, l'ordinateur, cette intelligence-là fonctionne selon le même principe que l'ordinateur. Elle doit, premièrement, avoir des mémoires et elle doit avoir un cheminement préétabli ou un cheminement programmation qui va permettre à cette intelligence de pouvoir, selon la programmation, se servir des mémoires en vue d'obtenir des résultats ou en vue d'exprimer l'énergie de la connaissance. Autrement dit, tu as en mémoire une expérience vécue dans le plan physique. Ça peut être un accident, ça peut être quelque chose de plaisant. Maintenant, comment peux-tu, à partir d'un phénomène mémoriel vécu par le plan physique, l'exprimer par la parole à quelqu'un d'autre? Comment peux-tu transformer la mémoire du plan physique en mémoire psychologique ou en mémoire intellectuelle pour pouvoir la communiquer sous la forme orale à un autre individu? Alors, évidemment, il y a donc possibilité à ton intelligence astrale ou à ton intelligence mentale de pouvoir fouiller dans tous les plans de mémoire, ce qui explique le fait que la mémoire, de quelle façon elle est enregistrée ou dans quel plan, cela n'a aucune importance. Tous les plans de l'être humain ont accès à cette mémoire-là. De même, le plan physique a accès au plan mémoriel de l'astral, ce qui peut permettre au physique d'exprimer l'énergie même de la mémoire de l'astral. Tu exprimes une peur psychologique par ton corps physique. De même, tu peux exprimer par la parole ou encore par la jouissance mémorielle, un phénomène typiquement physique que tu as vécu. Alors, ce qui fait que l'énergie mémorielle n'a pas tellement d'importance, elle est localisée au niveau du plan de l'astral de l'homme et elle a des correspondances au niveau du plan vital et au niveau du plan physique. Par contre, l'intelligence de l'homme, l'intelligence intellectuante de l'homme, donc l'intellect ou encore le plan mental de l'homme, ne peut se servir pour réfléchir que des mémoires emmagasinées dans le plan astral individuel ou dans le plan astral planétaire. Il ne peut donc dépendre que de la complexité de ses mémoires, de la complexité de ses expériences. Ce qui fait qu'en partant, il est intelligent, en ce sens qu'il prend une énergie de type astral, et normalement, il devrait, s'il est réellement intelligent, être capable de l'exprimer sans condition. N'étant pas intelligent et étant artificiel, la programmation même qui permet à l'énergie mémorielle de l'astral de s'exprimer dans une idée, dans une conception, est déformée par le contexte extérieur à l'idée. Alors, ce qui fait que l'intelligence de l'homme, tu as une idée géniale, tu es capable d'inventer un nouvel ordinateur qui peut être contenu dans une tête d'épingle et qui pourra gérer toute la structure interne d'une maison. Tu peux faire cela parce que la technologie extérieure est prête à accepter l'idée. Sinon, l'idée ne peut être exprimée. Tu peux faire cela parce que tu as en mémoire l'expérience nécessaire des découvertes du cheminement de l'industrie ou de la technologie humaine. Sinon, tu ne peux exprimer l'idée parce que dans les mémoires, il n'y a pas le fondement de l'idée. Et si la technologie ne s'y prête pas, tu ne peux exprimer l'idée encore une fois parce qu'effectivement, la technologie ne s'y prête pas. Tu devras donc transformer l'expression ou oublier l'expression. Tu devras inventer les outils nécessaires à la création de ton idée, ce qui revient au même. Tu ne peux exprimer l'intelligence sans qu'elle soit continuellement déformée par l'extérieur. Si je décide de passer à travers un mur ou si mon idée d'intelligence veut passer à travers le mur ne volera pas en éclat, le mur ne se tassera pas de là. Donc, mon énergie elle est artificielle. Parce que l'énergie intelligente passe et ce qui est en avant disparaît de là. La chose la plus difficile à faire bouger, c'est l'être humain. Faire bouger une masse lance plusieurs bombes dans une masse. Ça bouge, mais ça bouge pas nécessairement comme le manipulateur le voudrait. Par contre, dynamite un mur, il bouge comme tu veux qu'il bouge. Tu peux dynamiter une montagne et elle va bouger comme ton intelligence veut qu'elle bouge. Tu devras évidemment l'adapter à quelques petits inconvénients. Mais faire bouger une masse, non. L'énergie supramentale, quand elle traverse le plan humain, elle fait bouger la masse. Et la masse n'a pas le choix. Non, j'allais dire, le problème avec qu'on rencontre, c'est que finalement, quand tu dis transformer ou oublier l'expression, c'est que souvent, OK, l'homme, il oublie l'expression, mais il garde des traces de l'expression, de ce qu'il aurait pu exprimer s'il aurait exprimé quelque Exactement. Chose. Exactement. Et l'homme ne va donc pouvoir exprimer une idée de l'énergie, donc l'homme va pouvoir exprimer les traces de l'énergie. Ce qui fait évidemment que, dépendant de la mémoire, mais dépendant surtout de l'énergie qui va puiser dans la mémoire, l'homme va arriver à exprimer quelque chose. Maintenant, pourquoi parler de l'intelligence artificielle et de l'intelligence intelligente? L'homme ne peut pas avoir une intelligence intelligente, à moins qu'il soit un canal. Et si l'homme est un canal, l'homme est un être conscient, l'homme est un être qui est conscient et qui est connaissant du plan exprimé par l'énergie, du plan d'évolution de la planète. Et l'homme est aussi très conséquentiel, c'est-à-dire que l'homme a connaissance des résultats de son expression. L'homme ne va donc exprimer parfaitement que l'énergie supramentale, que l'énergie qui le traverse. L'homme qui pourra exprimer parfaitement l'énergie supramentale exprimera donc d'une façon parfaite l'énergie de l'astral, l'énergie du vital, l'énergie du physique et l'énergie du mental. Ce qui fait que l'homme ne sera pas un robot, l'homme ne sera pas rien de ce que la psychologie de l'homme a peur qu'il devienne. L'homme sera un être humain encore plus humain que ce qu'on n'a jamais connu. L'énergie de l'intelligence qui risque un jour de traverser la planète à travers chacun des êtres humains est une énergie qui ne sera connue que par ceux qui verront les individus traverser. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant Dieu. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant un être divin. Autrement dit, tu ne peux connaître l'énergie divine qu'en rencontrant un être qui laisse parfaitement l'énergie divine le traverser. Mais tu ne peux rencontrer Dieu ou l'énergie divine en te concentrant sur toi-même, en fouillant à l'intérieur de ta propre expérience ou en tentant par une méditation ou par une technique quelconque, de créer une expérience presque dans l'immédiat dans lequel, par la méditation, tu pourras fouiller pour voir si dans la trace immédiate de ta mémoire, il y a eu contact avec les énergies divines. L'individu qui est en contact avec un plan divin et qui le sait à l'instant même où il est en contact avec, n'est pas en contact avec. L'individu se prépare, il se place dans un état particulier et l'individu essaie de créer une espèce d'événement, une espèce d'expérience, le mettant en contact avec l'énergie intelligente. Donc, il essaie de déplier son tuyau, mais pas complètement. Suffisamment pour que l'énergie coule mieux, mais suffisamment peu pour qu'elle laisse des traces en lui, traces qu'il pourra vérifier presque dans l'instantanéité du fait. Donc, l'individu va être en méditation, il va être en satori, c'est-à-dire qu'il va être dans un état d'illumination sublime, et il aura conscience qu'il est dans un état d'évolution sublime. Donc, il pourra jouir du passage de l'énergie intelligente en lui. Il verra Dieu, il verra des énergies similaires à Dieu, mais il ne les verra que dans son expérience. Il ne saura pas Dieu. Il ne verra, encore une fois, que la trace laissée par l'énergie à l'intérieur de son canal qui est imparfaitement droit. Alors donc, cette phase d'évolution de l'homme est une phase dangereuse parce qu'elle amène le plan astral à pouvoir se dynamiser, à pouvoir s'énergiser et à pouvoir jouir de l'état d'évolution, du moins d'un état d'évolution suffisant pour lui. Un état d'évolution où la peur n'existe plus, un état d'évolution où le mal n'existe plus, un état d'évolution où la paix intérieure n'est pas détruite, mais où elle est poussée à un summum, un état d'évolution où l'être humain pourra goûter à tout ce qu'il a perçu d'un être divin qu'il aurait pu rencontrer sans que lui-même devienne cet être divin-là. Et ce phénomène d'évolution est un phénomène qui a été connu chez les yogis, qui a été connu chez les adeptes du zen, qui a été connu dans presque toutes les religions. Si on regarde 99,9% de tous les saints que l'on connaît, ce sont des individus qui, au lieu de jouir sexuellement d'une énergie vitale et physique, ils ont joui spirituellement d'une énergie déformée d'un plan supérieur. Et il est beaucoup moins dommageable pour l'être humain en évolution de jouir du plan sexuel et physique que de jouir d'un plan spirituel astral de l'énergie divine. Le gros danger du trip de la jouissance spirituelle amène aussi d'autres formes de danger. Le fait de connaître le danger de la spiritualisation amène l'intelligence artificielle de l'homme à une espèce de conscientisation, donc à une espèce de compréhension des mécanismes de manipulation et des mécanismes du spiritualisme dangereux, des mécanismes de l'intellectualisme, de la spéculation dangereuse. Mais l'être humain, ne possédant qu'une intelligence artificielle, ne pourra donc régir ces nouvelles découvertes qu'à partir des mêmes embûches qui régissent ceux qui sont dans les pièges de la jouissance spirituelle, de la jouissance de la paix, de la jouissance de la communication, de n'importe quelle jouissance du domaine de la haute sphère spirituelle de l'astral. L'individu qui découvre à un moment donné l'intellectualisation de quelque chose, il peut facilement dire qu'un être humain ne peut comprendre car il est seulement au plan de l'intellect. Il finit par voir de l'intellect à peu près partout. Et ça, c'est normal, le plan d'intelligence artificielle va l'amener là. Mais notre individu ne sait même plus différencier, il ne peut plus discerner parce qu'il est pris par un piège encore plus subtil du plan astral. Il ne peut plus discerner où réellement l'intellect opère une intellectualisation d'une énergie et où l'intellect opère une matérialisation de l'énergie. Le fait, par exemple, de discuter ou le fait d'assister à une conférence est soit de l'intellectualisation par des individus, soit une opération qui ne sera pas intellectuelle, mais qui sera réellement opérationnelle. L'individu qui perçoit une forme orale, peut percevoir que le mot. Il peut percevoir le mot sous le mot, la forme. Il peut percevoir l'énergie de la forme. Il peut percevoir l'énergie qui sert de canal pour transporter la forme. Il peut percevoir tout ça en même temps ou l'un ou deux ou trois de ces événements, de ces phénomènes. Maintenant, l'individu qui perçoit un ou plusieurs de ces phénomènes peut être transformé. C'est-à-dire que l'intellectualisme, qu'est-ce que c'est? L'intellectualisme pur et qui n'a pas été compris par ceux qui se conscientisaient à un moment donné ou un autre que moi en a parlé, les individus qui n'ont pas compris ont simplement cru, ils ont bâti un endroit dans leur mémoire où tout ce qui rentre et qui est nouveau ira se placer pour être comparé sans être mélangé au reste de la mémoire expérientielle. L'individu qui ne connaît pas le phénomène de l'intellectualisme ou qui n'est pas assujetti au phénomène de l'intellectualisme prendra d'une façon intellectuelle tous les connaissances, mais à son insu, il ira les placer avec le reste des connaissances expérientielles, ce qui va donc opérer, à son insu toujours, une transformation de son schéma mémoriel. Ce qui permet donc à un être qui communique d'une façon intelligente de pouvoir transformer, de pouvoir manipuler les bases sur lesquelles vont se fonder l'intelligence artificielle de l'homme. Donc, le fait d'amener des connaissances à l'être humain, même si l'être humain ne peut rien faire avec la connaissance même, vient simplement transformer son contexte mémoriel et le fondement même de son intelligence artificielle autant que de l'expression de son astral, est basée sur ses mémoires volatiles contenues dans le périsprit de l'homme, donc dans son âme. Alors donc, s'il y a intellectualisme, c'est qu'on bâtit dans la mémoire volatile un nouveau tiroir dans lequel toutes les nouvelles connaissances, depuis que l'on a découvert l'intellectualisme, vont être placées. L'individu qui découvre l'intellectualisme peut le découvrir de deux façons. La première façon, il va le découvrir selon une forme de jouissance intellectuelle, donc il ne sait pas qu'il est le jeu de l'intellectualisme, mais il en jouit. L'individu qui en jouit arrive un jour à découvrir qu'il en jouissait, donc il arrive à découvrir que d'autres en jouissent, donc il arrive à découvrir le phénomène manipulatif de la spéculation et de l'intellectualisme. Il arrive donc à se dire libéré de l'intellectualisme. Et tout ce qui est maintenant apporté à l'être humain, il ne l'intellectualisera pas. Mais il ne pourra même pas s'en servir, parce que non seulement il ne laissera plus la chose pénétrer dans le tiroir de l'intellectualisme, il ne le laissera pas non plus pénétrer dans le schéma mémoire volatile habituel, il construira un troisième tiroir où il pourra jouir de ses découvertes, donc de ceux qui jouissent de l'intellectualisme. Même chose pour celui qui comprend un jour d'une façon erronée ou qui comprend à partir de sa psychologie astrale qu'est-ce que l'impression, qu'est-ce que la loi de l'impression ou encore qu'est-ce que la forme. Ça, c'est une forme, la parole est une forme. Mais la forme, malgré qu'elle est une forme, opère des transformations totalement réelles chez l'être humain qui ne sait pas que la forme existe. Et il peut aussi opérer une transformation salvatrice chez un individu qui connaît la forme, mais qui laisse la forme travailler en lui. Mais l'individu qui découvre la forme, à un moment donné, finit par reléguer ça, lui, ça aussi, dans le nouveau tiroir, celui de ce que j'appelle le snobisme supramental. Snobisme, parce que c'est une forme de snobisme, disons, nouvelle, où l'individu se croit guéri, où l'individu se croit sauvé, ou du moins libéré d'un phénomène. L'individu connaît la forme, alors ce qui fait que la forme ne l'affecte plus. Mais même les formes salvatrices ne l'affectent plus. Il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il est dans un endroit où il ferme la porte à l'extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui rentre est canalisé dans une région. Ce qui est supramental, ce qui est astral, ce qui est banal est canalisé dans cette région. Donc il déforme et il va transformer les mémoires même de ce nouvel astral, l'astral supramental, pour pouvoir se donner l'impression, ou plus précisément, donner l'impression à sa psychologie, à son ego, qu'il est en relation avec une énergie intelligente, donc qu'il est maintenant devenu intelligent. Et il se comparera automatiquement, il en aura besoin à l'extérieur. Alors, lui comprend la forme. Lui est libéré de l'intellectuel. Alors, ce qui fait qu'il est capable de découvrir partout où il y a intellectualisme. Et il verra que partout, il n'y a qu'intellectualisme. Alors, encore une fois, il ferme les portes à tout ce qui pourrait le transformer. Parce que l'énergie de l'intellect, l'énergie de la parole orale, est la première forme de transformation chez l'être humain. Tu viens chercher un conseil, je te donne un conseil, je te transforme. Tu es joyeux ou tu es en peine, la parole peut te transformer. Le fait de communiquer oralement n'est pas de l'intellectualisme. Il peut être de l'intellectualisme, mais dans 80% des cas, il n'en est pas. Tu fais un exercice pratique, tu fais un exercice de yoga, ça peut être de l'intellectualisme physique. Sauf si ton corps découvre quelque chose et si ton corps vit avec le mouvement, il n'y a pas intellectualisme. Alors donc, 80% des phénomènes intellectuels ne sont pas intellectuels et ils transforment l'être humain parce qu'ils viennent transformer la mémoire qui est la base de fondement de l'expressivité des énergies intelligentes aberrées, donc des énergies intelligentes artificielles de l'homme. Alors ce qui fait que l'être humain tombe, l'être humain qui se conscientise tombe dans des pièges terribles, celui où il se croit libéré. Libéré de tout? Non. Il est suffisamment intelligent pour ne pas penser qu'il est libéré de tout. Mais il exprimera quand même une énergie libérée de tout. Ce qui le coupera donc de toutes les formes de connaissances, de toutes les formes d'aide, de toutes les formes de contact. Si un jour je te rencontre et que je vois que tu as un problème, Alors, je te dis, je t'en parle. Toi, tu me réponds, ah, non, non, non, il n'y a pas de problème. J'ai tout vu ça, il n'y a rien là. Et c'est parfait. Parfait. Mais quand un jour, tu devras admettre que tu ne faisais que croire ce que tu vivais, tu seras tellement bas, puis tellement plus bas que les individus qui ne se sont jamais conscientisés, que tu souffriras beaucoup plus qu'eux autres. Alors, l'orgueil ou le snobisme supramental amène les individus-là. L'intelligence de l'homme, autant que l'intelligence de l'être qui se conscientise, est une intelligence artificielle, une intelligence manipulée, et manipulée continuellement et toujours par les forces d'en bas, par les forces qui vibrent plus lentement que l'énergie supramentale. L'être humain qui se croit en contact supramental devra s'abreuver à l'énergie supramentale de temps en temps, parce qu'il ne sera pas en contact permanent avec l'énergie supramentale, et cet être humain-là ne pourra vivre qu'avec l'expression des mémoires supramentales, donc de cette sphère astrale supramentale. Et cet être humain-là te parle l'orgueil de la libération, l'orgueil de la connaissance, parce que tout d'un coup, tu découvres dans un flash le fait que tu es manipulé. Tu découvres dans un flash la manipulation, tu te crois non manipulé. Ben, ouvre tes yeux parce que tu es sans dessein, parce que juste le fait de te sentir libre est déjà une preuve de la manipulation auquel tu es soumis. Tu es doublement manipulé et beaucoup plus subtilement manipulé, alors ce qui fait que c'est beaucoup plus dangereux. Je suis libre. Tu es libre parce que tu te compares à quelque chose. Et te comparant à quelque chose, tu n'exprimes quelque chose que parce que tu rencontres une comparaison. Donc, tu exprimes parce qu'il y a comparaison. Parce que s'il n'y a pas comparaison, tu n'exprimes pas. Alors, c'est pas toi qui décides l'expression. C'est parce que comparaison que tu exprimes. Tu es vachement manipulé, au même titre que n'importe qui va acheter un pot de beurre de peanut parce que la couleur du pot leur plaît plus. Alors toi, il y a comparaison, tu te compares et tu exprimes une énergie par la parole ou par l'expressivité même de tous les plans énergétiques de l'astral. Tu es manipulé et tu as découvert la manipulation de tout le monde, mais tu ne connais pas la manipulation subtile des plans astraux qui sont en train d'être créés par des individus, justement, qui se croient intelligents, mais qui ne sont qu'artificiels. Pourquoi aimes-tu quelque chose? Parce que la forme te plaît, donc la forme suscite en toi une expression. Si tu as une roue de secours à changer après ton auto, tu devras réfléchir et changer la roue de secours parce qu'il y a une roue de secours à changer. Si tu dois régler un problème psychologique parce que tu es psychologue, alors tu devras réfléchir, fouiller dans ta mémoire expérientielle, l'adapter parce qu'il y a un problème à régler. Et l'intelligence de l'homme ne s'exprime que parce qu'il y a un problème à régler. Problème qui peut être positif ou négatif. L'intelligence de l'homme ne s'exprime que pour répondre à une fuite de douleur, de peur et pour répondre à une recherche de plaisir, de jouissance. Jouissance qui peut être dans de l'argent, dans de la matière ou dans une énergie divine du plan supramental. Il n'y a expressivité de l'intelligence artificielle de l'homme que parce qu'il y a besoin. S'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas l'expression. Et s'il y a le besoin, il y a tentative d'expression et il y aura expression complétée s'il y a la matière physique pour recevoir l'expression. Donc, l'homme a une intelligence totalement manipulée par l'extérieur et par ses mémoires internes. Ce n'est pas de l'énergie intelligente. Et vu que ce n'est pas de l'énergie intelligente, l'homme artificiel, l'homme inintelligent, donc l'homme intelligent artificiellement, est manipulé. Et l'homme est manipulé même s'il se croit libre, même s'il se croit non manipulé. La manipulation psychologique un jour tend à disparaître chez certains êtres humains. Quelqu'un meurt et ça ne le touche plus. Sa femme ou son mari le laisse et ça ne le touche plus. Il lui arrive n'importe quoi et ça ne le touche plus. Et il se croit non manipulable. Mais ça ne le touche plus, pourquoi? Parce qu'il s'est bâti une programmation. Donc, il a été manipulé par ceux qui lui ont enseigné la manipulation. Ou encore, il reste manipulé par le schéma du plan mental. Alors, automatiquement, il réagit à quelque chose en bloquant une expressivité du plan astral. Il y a celui qui canalise une expression de l'astral. Quelqu'un qui meurt devant toi exprime une énergie. Et cette énergie-là, tu l'aperçois. Et l'apercevant, elle laisse des traces dans ta mémoire parce que tu n'as pas de canal suffisamment droit pour la laisser passer. Et laissant des traces dans ton canal, toi, tu vas donc exprimer ce que tu as perçu de l'énergie qui est passée. Mais même si tu arrives à ne plus rien exprimer, tu dois bel et bien vérifier si c'est parce que les traces laissées dans ton canal, donc elles te manipulent pareil, ne sont pas absorbées par l'énergie mentale qui présentement dirige l'expression de l'astral. Autrement dit, les traces sont laissées et elles perturbent ta mémoire volatile, donc elles perturbent ta psychologie inconsciente. Dans l'expressivité consciente, il n'y a aucune trace qui apparaît. Mais dans 10 ans d'ici, tu auras encore une fois été transformé par l'accumulation de tous les événements psychologiques que tu auras perçus et qui, au long de ces 10 ans-là, n'auront pu transparaître dans l'expression de ton corps physique régi par le plan mental. Mais dans 10 ans d'ici, tu auras quand même été transformé, tu seras un autre individu transformé par les plans astraux que tu n'as pas connus. Tu restes donc manipulable, même s'il n'y a pas d'expressivité de la manipulation. Et l'être humain qui ne perçoit pas la manipulation se croit non manipulé. Et ce phénomène-là, on ne le retrouve pas seulement chez les êtres qui ont atteint une certaine conscientisation. Rencontre n'importe qui dans la rue qui n'a aucune conscientisation et dis-lui qu'il est manipulé par la société, il va te répondre que c'est pas vrai. Rencontre un drogué, un hippie, un protestant, un pancarteux, n'importe qui, il va lui dire, il va te répondre que c'est lui qui manipule la société. Jamais il est manipulé. Il va sortir des grands mots religieux pour t'exprimer le fait qu'il n'est pas manipulé. Et rencontre un individu qui est conscientisé ou qui se croit conscientisé, qui en réalité est en phase de conscientisation. Et dis-lui la même chose et il aura les mêmes arguments. Les deux sont pareils, un en sait plus. Mais en sachant plus, il en sait moins, parce qu'il croit en savoir. Donc, l'homme doit s'observer s'il n'est pas en train de faire une classification plus subtile à son insu, puis ou, comme tu es en train de dire, qui bloque. Il est capable de bloquer l'astral, mais il n'est pas capable de laisser exprimer l'autre énergie, finalement. Fait qu'il a de l'air libre, mais il ne l'est pas. L'homme a de l'air libre, l'homme se sent libre, l'homme se croit libre, et parce que l'homme se croit libre, l'homme va donc faire des choses qu'il n'aurait pas fait s'il ne se serait pas senti libre. Donc, parce que tu as l'impression d'être libre, tu sors dehors. Tu es manipulé par l'impression d'être libre. Parce que si tu n'aurais pas eu l'impression d'être libre, tu serais resté en dedans. Alors, si tu as peur, tu sors, si tu n'as pas peur, tu restes. Donc, l'état de peur ou de sécurité fait que tu restes ou tu sors. Donc, elle te manipule. Tu te sens libre, tu ne te sens pas libre. Ça aussi fait que tu vas opérer une action ou une autre, tu restes manipulé. L'individu qui a une idée, l'individu qui pense à quelque chose, est un individu manipulé. Parce que l'individu qui pense à quelque chose a donc référence à ses mémoires. Et s'il a référence à ses mémoires, il a référence à une interprétation d'une énergie mélangée avec tout la mémoire volatile contenue dans son périsprit, donc son expérience. Évidemment, on ne parle pas jusque-là de la manipulation de l'astral extérieur qui aussi, à son insu, vient le manipuler. Alors l'homme, conscientisé ou pas, reste manipulé. L'être humain reste manipulé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'être humain ne possède qu'une intelligence artificielle tant qu'il ne sera pas un canal parfait pour une forme d'énergie. Et ce canal parfait ne sera créé que par une énergie supramentale, une énergie suffisamment intelligente pour éliminer chez l'homme les impressions. Vous vous croyez libre, c'est une impression. Et l'homme est donc assujetti à la loi de l'impression. Et un homme assujetti à la loi de l'impression est un homme manipulé. Qu'est-ce que c'est que l'impression? Qu'est-ce que c'est que la loi d'impression? Ben, c'est le phénomène dans notre tuyau. Toutes les fois que l'énergie passe et qu'elle vient graver quelque chose, il y a impression. Comme sur une plaque photographique, il y a impression d'une image. Et la plaque ne va ressembler à elle-même que par rapport à ce qui sera impressionné dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, à part le contour de notre plaque photo, il n'y a plus grand-chose qui ressemble à la plaque. Et l'individu qui, une fois impressionné par quelque chose sur la plaque photo, n'exprime pas ce qu'il a vu, ce qui aurait pu l'impressionner, se croit libre. Alors, expliquons bien. Une plaque photographie n'est pas noire, disons, elle est blanche. On la place devant une salle et normalement, si elle est impressionnée selon la loi régissant la loi d'impression de la masse, elle devra donc, il devrait y apparaître une photo du public. Elle est conscientisée, cette plaque. Elle fait partie de l'orgueil supramental. Orgueil, non pas vanité supramentale, du moins pas pour la majorité. Il peut y avoir vanité, mais pas pour la majorité. Elle se croit libre. Alors, on lui montre le public et non, elle n'est pas impressionnée par le public. Elle ressort noire. Elle est totalement impressionnée, mais elle n'exprime pas ce qui aurait dû être exprimé, ce qui lui donne l'impression qu'elle n'est pas impressionnée. Mais elle est aussi brûlée. Mais elle n'a pas de mécanisme de comparaison. Elle ne peut pas se comparer à la lumière ou à l'événement ou à l'énergie qui aurait pu l'impressionner pour découvrir si elle est impressionnée ou non. Alors, elle se croit inimpressionnable. Elle se croit libre de l'impression. Mais quand on regarde ces individus, on peut facilement voir, je parle évidemment, disons, de moi et de quelques autres, que l'individu reste impressionné, mais qu'il est noir. Il est bien plus mal impressionné que l'individu qui se sentait libre, qui ne savait pas plutôt qu'il était libre. Alors, si on reprend notre plaque, plaçons-la au niveau du plan de l'individu. Un événement arrive devant moi. Ça m'est arrivé cette semaine, encore une fois, un accident sur le métropolitain, il pleuvait mercredi soir ou mardi soir, et puis on est arrêté. Il y avait une dame de blessée, et puis tout l'événement au complet impressionne. C'est-à-dire que ça dégage de l'énergie astrale, ça transpire l'énergie astrale. Donc automatiquement, si tu t'approches de l'individu, tu deviens perturbable, donc impressionnable par l'énergie de l'événement, de l'individu, de tout l'événement. Si tu n'es pas impressionné, cela veut dire qu'il ne reste rien en toi de l'événement. Tu peux agir efficacement et tu t'en vas. L'individu qui se croit conscientisé peut aussi agir. Et il ne reste rien en lui, rien de similaire à l'événement. Il peut dire « Non, je ne me rappelle pas de l'événement. » Preuve qu'il n'y a pas eu impression ou preuve que l'impression a été déformée par cet orgueil supramental, par cette impression de liberté supramentale placée dans l'astral spirituel ou l'astral supramental. Alors, notre individu s'en va et après 15 accidents qui ne l'ont pas impressionné, le 16e, à perdre connaissance, elle devient folle braque, elle ne peut plus rien faire parce que les impressions étaient là. Mais d'une façon tellement déformée, on appelle ça subtil, que l'individu a pu se permettre de se croire libéré de la loi d'impression. Et elle était drôlement plus impressionnable et tellement plus colorable dans son impression qu'elle ne pouvait même plus avoir de point de repère. Je me rappelle de quelque chose, ça me traumatise. Alors si je m'en rappelle et que ça me traumatise, je sais que j'ai été impressionné. Mais si je m'en rappelle pas ou si tout va bien ou si je m'en rappelle et ça me traumatise plus, je ne peux pas vérifier si j'ai été impressionné ou non. Une chose qui est sûre, je m'en souviens, j'ai été impressionné. Mais même si je ne m'en souviens pas, j'ai pu être impressionné. Mais je peux évidemment m'en aller et décider que je n'ai pas été impressionné. Je dis bien décider. Si on regarde la plaque, elle, après une exposition, elle devient brûlée, comme tu disais tantôt. L'homme, des fois, il peut être brûlé à première impression ou il peut en subir une série, finalement, avant que l'impression s'imprime profondément. Oui. Bon, ça a toutes sortes de facteurs passés, là. Si on irait à cette heure-là, on parle de l'homme au niveau, voyons, artificiel. Si on irait voir l'autre homme qui est le canal, là, si tu veux. L'homme qui est le canal n'est pas un homme. C'est-à-dire qu'il a peut-être une corporalité, mais il n'a aucun rapport avec l'homme psychologique ou l'homme manipulé, l'homme artificiel, l'homme qui possède une intelligence artificielle. Mais l'autre homme, là, qui à un moment donné crée dans l'éther, crée quelque chose, puis cette énergie-là lui revient, il se crée quand même comme une boule d'énergie. Ça, c'est pas de la mémoire, par exemple. Hein? Non. Par contre, cet homme-là n'aura pas non plus d'idées. Il exprimera des choses, il créera des choses, mais il n'aura pas d'idées. Alors donc, il ne créera pas l'expression d'une énergie à partir d'une déformation opérée par l'idée. L'homme qui crée quelque chose prend une énergie et la transforme selon le besoin ou selon la jouissance recherchée, qui est le besoin encore une fois. Donc, l'énergie créatrice, l'énergie intentionnelle descend chez l'homme et l'homme s'en sert pour créer des choses qui ont rapport avec ce qu'il a de besoin. Donc, l'homme n'exprime pas une énergie intelligente. L'homme est assujetti à sa mémoire, elle est déformée et l'homme croit que c'est intelligent. Mais une énergie, nomme-moi une seule forme d'intelligence humaine qui a été conséquentielle du début aller à la fin. Il n'y en a pas. Ce ne sont que des intelligences artificielles qui ne peuvent donc pas avoir autre chose qu'une fin au niveau de la perception d'intelligence. Donc il n'y a pas de conséquences. Connu à long terme. Et quand je parle à long terme, connu ad vitam aeternam de l'expression d'intelligence. L'énergie supramentale qui part chez l'homme, elle sait, disons, au complet du début de la descente d'énergie, aller jusqu'au rayonnement complet. Avant de passer à ceux qui sont écrits, peut-être que, bon, si on remarque, peut-être Daniel, tu pourrais aider les gens peut-être à essayer de se situer. Parce que j'ai l'impression que ça peut avoir été lourd un petit peu à soir, parce que le monde peut avoir l'impression d'être un peu écrasé parce que t'ailles à gauche ou à droite, finalement, des impressions, t'en as tout le temps. C'est ça, là, ça peut produire une espèce d'agacement dans l'énergie à ce moment-là. Tu pourrais-tu expliquer ça, Daniel? Ben, l'agacement chez l'individu, c'est un agacement qui est normal, qui est relié à son état psychologique, à sa manipulation de l'astral. L'agacement, c'est simplement que l'individu qui croyait à une illusion a du moins une version comme quoi la croyance à cette illusion-là est une croyance. Tu pensais que tu avais une intelligence et moi, je viens te dire que plus probablement, tu n'as pas d'intelligence. Alors, ce qui fait que l'idée que j'amène pour l'individu, qui est une réalité pour moi, vient évidemment, va se placer à l'encontre des idées que la psychologie de l'ego tient à garder. L'ego tient à être intelligent et il tient évidemment à garder ses illusions. Alors, ce qui fait que lorsque tu viens démontrer ou tu viens simplement suggérer que telle chose qui est une réalité pour un individu est une illusion, ben ça crée un fourmillement dans la psychologie. C'est normal. Maintenant, le fait de savoir que l'homme est mortel, que l'homme meurt, ça crée aussi un fourmillement dans l'énergie. Plusieurs individus ont peur de rencontrer un mort. Auraient peur de toucher un mort, en tout cas. Pas grand monde ici qui ferait la respiration artificielle à un mort. Bon. Alors, ce qui fait que la psychologie refuse. Et elle refuse tellement la mort, parce qu'un jour, tu vas mourir. Alors, ce qui fait que, tout naturellement, les individus ont peur d'un cadavre, pas parce que le cadavre est dangereux. Tout le monde sait que les meurtriers sont vivants, rarement morts. Alors donc, le cadavre n'est pas dangereux, mais tu te projettes et tu te vois. Tu reprends conscience qu'une illusion que tu as, celle d'une vie éternelle, ben que c'est une illusion et qu'en réalité, la mort t'attend au bout de ton chemin. Alors, ce qui fait que plusieurs individus vont se faire dire, s'ils parlent de la mort dans une réunion mondaine, d'arrêter de parler de sujets aussi plates, de parler de quelque chose de plus gai. Ben, il n'y a rien de plus plate que de parler de quelque chose de gay pour camoufler une chose qui est réelle. L'être humain ne doit pas, pour bien vivre, avoir peur de quelque chose qu'il ne peut pas éviter. Avoir peur de quelque chose qu'on ne peut pas changer ou qu'on ne peut pas éviter, ben, c'est se créer réellement un monde d'illusions. La mort, on ne peut pas l'éviter, pour l'instant. Le fait d'être manipulé, c'est inévitable pour l'instant. Le fait d'avoir une pensée artificielle, c'est une chose qui est un fait et qui est inévitable. Alors, c'est sûr que ça crée des fourmillements dans la psychologie lorsqu'à un moment donné, on finit par percevoir le fait que peut-être ce qu'on croyait réel est faux. L'idée même de l'homme qui, justement, croit avoir une intelligence, s'il continue, après cette conférence, à croire qu'il est intelligent dans le plus grand terme, ben cette personne devrait envisager ce qui va suivre. Parce que moi, finir de la convaincre, ça ne veut pas comprendre. Vous êtes intelligent. Donc, vous n'êtes jamais malade. Parce que l'intelligence est capable de prévoir les choses qui ont des conséquences. Et est donc capable de diriger un être inférieur de façon à ce qu'il lui obéisse. Alors, si l'être humain a une intelligence intelligente en lui, tout ce qu'il entreprend aboutit sans jamais d'erreur. Et sans que jamais il ait à entrevoir à un moment donné une chose qu'il n'avait pas prévue. Cela va de soi. Jouer aux échecs avec un ordinateur veut dire que vous battez l'ordinateur à tous les coups. Parce que l'ordinateur est programmé par une intelligence humaine qui a des problèmes et qui a des trous. D'ailleurs, on a certains champions d'échecs qui battent des ordinateurs. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire, disons, qui paraît intelligent. Parce que pour le reste, ils ont des problèmes d'intelligence. Un individu intelligent manipule sa vie comme il veut. Donc, il n'a pas d'accident. Il n'a pas de perte. Il est capable de prévoir les chevaux qui vont rentrer à la loterie. Il est suffisamment intelligent pour gérer son argent de façon à être riche, même de l'heure de crise. Il est suffisamment intelligent pour se laisser un travail puis aller convaincre n'importe quel autre patron que l'autre patron a absolument besoin de lui. Et s'il est intelligent, le patron va l'engager. Fais-moi confiance, la compagnie va marcher. Votre intelligence est limitée par quoi? Votre intelligence, elle est limitée, comprenez-le bien, par votre expérience, c'est-à-dire par ce que vous avez appris. Appris par la vie, appris par l'éducation. Vous ne pouvez pas régler avec moi un problème d'électronique si vous ne connaissez pas l'électronique. Vous ne pouvez pas vous défendre convenablement si vous êtes attaqué physiquement. Si vous n'avez pas déjà des mémoires corporelles d'apprentissage de combat, il y a plusieurs choses, en fin de compte, que vous ne pouvez pas faire. Et l'être humain individuel est beaucoup plus intelligent que l'être humain de masse, même si l'être humain de masse se croit être l'intelligence de la masse. Parce qu'on a un génie dans la masse, toute la masse se croit géniale. Mais l'individu de masse est encore beaucoup plus stupide que l'être humain qui est individuel, malgré que les deux formes d'intelligence, de masse collective ou individuelle, sont des intelligences artificielles. Artificielles, pourquoi? Je le répète. Parce que si vous avez l'intelligence de raccommoder votre bas qui est troué, c'est parce que votre bas est troué. Parce que celui qui n'a pas l'intelligence de raccommoder un bas troué n'a pas d'intelligence. Et celui qui raccommode un bas qui n'est pas troué, est-il plus intelligent? Non. Le trou va vous obliger à exprimer une forme d'énergie qui va s'exprimer dans le raccommodage du bas. L'individu qui essaie de survolter sa batterie d'auto pour faire démarrer son auto est suffisamment intelligent pour découvrir le mécanisme du survoltage, du boostage, si son auto est en panne. Il exprime une forme d'intelligence parce que son auto est en panne. Donc, si l'auto n'est pas en panne, il n'exprimera pas cette forme d'intelligence-là. Donc, son intelligence ne se développera pas par l'expérience. Parce qu'encore là, si tu survoles ton auto quand la batterie est pleine, tu n'es pas intelligent. Et si tu n'arrives pas à découvrir comment la survolter lorsqu'elle est vide, tu n'es pas non plus suffisamment intelligent. Ton intelligence, elle est selon ta mémoire. Alors donc, tu vas dire, je suis très intelligent, mais je ne connais pas la mécanique. Voilà. Donc, ton intelligence est limitée par ta mémoire. L'intelligence d'un ordinateur est limitée par quoi? Par sa mémoire et par ses mécanismes d'expression. Il peut l'exprimer sur un écran, il peut l'exprimer sur un modem, un appareil qui permet de communiquer par téléphone, il peut l'exprimer par des bras si l'ordinateur est placé dans un robot. mais son expression reste limitée par sa forme physique et par sa mémoire. Et la mémoire de l'ordinateur, chez l'être humain, comme chez plusieurs ordinateurs, va dépendre de la va déterminer la programmation. Donc, encore là, la mémoire va déterminer l'intelligence. Quand on fait un programme dans un ordinateur, on met le programme en mémoire. Éteignez l'ordinateur, rallumez l'ordinateur. Si vous n'avez pas sauvé le programme avant sur une disquette ou sur une cassette, le programme est perdu. Le programme, donc la manière que l'ordinateur va être capable d'opérer les mémoires, est bâti par la mémoire dans l'ordinateur. Chez l'être humain, c'est la même chose, sauf que l'ordinateur est plus efficace que vous. Alors, si l'intelligence artificielle de l'ordinateur, vous la trouvez artificielle, et qu'elle est plus efficace que vous, maintenant, le fait que l'être humain ait une intelligence artificielle le rend, le place à un niveau d'évolution exceptionnel, extraordinaire. Le fait que l'être humain ait une intelligence, artificielle ou non, le fait que l'être humain soit intelligent, c'est-à-dire le fait que l'être humain ait une capacité de pouvoir se programmer pour pouvoir se servir de ses mémoires, de ses expériences, de façon à être efficace dans la vie, fait de lui un être évolutionnaire, donc un être révolutionnaire. Faisant de lui un être évolutionnaire, cette intelligence artificielle tend à attirer l'intelligence active, l'intelligence réelle, l'énergie supramentale. Alors, ce n'est pas parce que, à un moment donné, un être humain découvre, ou comprend, ou croit qu'il a une intelligence artificielle, qu'il doit se sentir minus, qu'il doit se sentir plus petit. Vous êtes ce que vous étiez avant. Ce n'est pas parce que vous comprenez quelque chose de neuf que vous êtes différent. La perception que vous avez de vous peut changer. Mais merde, sachez aussi que cette perception-là est une illusion. Dans la réalité, il n'y a rien de changé, sauf si vous comprenez. Et si vous comprenez, il n'y a que changement, une progression. Alors, on n'a pas besoin de s'en faire parce qu'à un moment donné, on découvre que notre intelligence est artificielle. Mon intelligence, elle est artificielle, oui. Tant qu'elle reste assujettie à exprimer ou à répondre à un besoin. Elle s'exprime que parce qu'il y a le besoin. Elle ne s'exprime pas sans ça. La psychologie de l'astral s'exprime automatiquement parce qu'elle a besoin de s'exprimer. La psychologie de l'intelligence artificielle, donc de l'intelligence du mental de l'être humain, s'exprime que s'il y a un besoin. Ce qui amène certains inventeurs à aimer inventer. Ils recherchent des besoins parce que l'énergie de l'expression de leur intelligence artificielle suscite dans leur astral une jouissance. Donc, ils aiment à créer, ils aiment à inventer, ils aiment à résoudre des problèmes. Mais ça reste artificiel, ils en ont besoin. Il faut bien comprendre qu'au niveau ésotérique et au niveau du plan évolutionnaire de l'homme, l'intelligence artificielle est artificielle par comparaison à l'intelligence active. Donc, on a une intelligence passive, celle du mental, passive parce qu'elle ne peut exister s'il n'y a pas mémoire et s'il n'y a pas moyen d'expression dans la matière. Elle est passive. Pensez à n'importe quoi, vous allez le penser à partir de mots ou de formes que vous avez vus. Donc, votre intelligence, elle est passive. Elle dépend. Dépend de vos mémoires, dépend de l'extérieur. Elle dépend, elle est passive. Étant passive, ce n'est pas intelligent. Étant une énergie supérieure à tout ce qui existe sur la planète Terre, on l'appelle intelligence. Mais elle est artificielle. Elle est créée par l'inférieur. Votre intelligence, elle est créée par les plans de l'astral. Donc, l'intelligence de l'homme qui se met au service des besoins, des peurs et des désirs de l'homme est donc une intelligence créée par les plans inférieurs. L'intelligence de l'homme est dans les plans supérieurs, mais elle a été créée et elle est encore colorée et assujettie au plan de l'inférieur. C'est une intelligence artificielle qui n'est pas suffisamment intelligente pour se libérer des contraintes des bas-fonds de l'astral. Elle se libérera seulement si elle est énergisée par l'intelligence active, donc le supramental. Et si l'énergie supramentale, l'énergie active, vient énergiser l'énergie mentale, l'énergie mentale pourra se libérer, mais il ne restera quand même que sous forme d'intelligence artificielle. Mais alors là, l'être humain aura l'intelligence active en plus de son intelligence artificielle. Et l'énergie mentale de l'homme ne servira plus à exprimer quoi que ce soit. Il ne servira qu'à contraindre les énergies astrales à rester là où elles doivent rester pour permettre à ces énergies-là de créer une espèce de canal qui permettra un jour à tous les corps de pouvoir se fusionner. L'énergie mentale, présentement, aide l'être humain à vivre d'une façon plus efficace. Et plus il sera efficace dans son agissement, plus son énergie mentale sera puissant. Et plus l'énergie mentale, aussi artificielle soit-il, sera puissant, plus il sera possible qu'il rentre en contact avec l'énergie supramentale. La première transformation de l'énergie mentale artificielle sera l'assujettissement à l'ajusteur de pensée, à une forme d'énergie qui obligera l'expression du mental à être régie par l'énergie supramentale. Alors, voyons bien la différence. L'être humain qui a une intelligence artificielle, la masse, est de deux ordres, celui qui le sait et celui qui le sait pas. Et celui qui le sait pas, ben, c'est le même que celui qui le sait. Celui qui le sait risque d'éviter des pièges, pièges qu'on a parlé tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'autres pièges. Mais une chose qui est sûre, c'est que tant que l'être humain sait qu'il est artificiel au niveau de son expressivité, c'est-à-dire qu'il déforme l'expressivité et qu'il exprime selon l'extérieur. Vous m'amenez un cadeau, je souris. L'énergie que j'exprime dépend de l'extérieur. Je ne suis pas une intelligence pure. Je suis une intelligence manipulée. Je ne suis donc pas une intelligence. Je suis donc, disons, en termes ésotériques, une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de l'homme permet à l'homme d'arriver à pouvoir s'assujettir à un ajusteur de pensée qui lui obligera l'intelligence artificielle à exprimer dans la matière l'énergie de l'astral, mais seulement quand l'ajusteur de pensée, donc quand l'énergie supramentale traversant l'ajusteur de pensée, va trouver intelligent le fait d'exprimer une énergie de type planétaire, astrale ou mentale ou encore descendante. Autrement dit, l'énergie que vous allez exprimer une fois en relation avec un ajusteur de pensée restera du plan planétaire, mais elle sera exprimée qu'en accord et en concordance avec le plan d'évolution de l'homme, donc régi par le plan supramental. Mais elle sera toujours du type planétaire. L'être humain qui est relié à l'énergie supramentale reste humain. Mais il fait partie d'une nouvelle race. On en a suffisamment parlé la semaine dernière au niveau de la race des élus. Alors, ce qui fait, c'est que il ne faut pas que vous pensiez qu'ayant une intelligence artificielle, vous êtes des imbéciles. Ce serait imbécile de penser ça, oui. Le fait d'avoir une intelligence artificielle permet simplement à l'homme de bien faire la différence entre l'énergie intelligente active, réelle, et l'énergie passive de l'homme. L'être humain est obligé de réajuster continuellement sa pensée et l'expression de sa pensée parce qu'il n'est pas conséquentiel, donc il ne peut prévoir les événements de l'avenir. Il n'est pas prescient. La prémonition n'a rien à voir avec la prescience. La prémonition, c'est simplement connaître dans l'astral des phénomènes qui sont déjà existants dans l'astral et qui un jour vont être matérialisés. Donc, on prévoit, on a une connaissance d'avance sur ce qui va être matérialisé parce que c'est déjà existant dans le plan astral et rappelons-le, le plan astral est un plan mémoriel. Lui pense à m'assassiner dans 2 ans. Moi, connaissant ce qui se passe dans l'astral, je connais donc sa pensée et je peux donc prévoir comme un prophète que dans 2 ans, il va y avoir tentative d'assassinat ou meurtre. Mais je n'ai rien prévu. J'ai lu dans le passé, dans l'astral, une idée que lui veut mettre dans la réalité, dans un temps différent. Je ne connais pas l'avenir. Et n'importe quand, cette idée dans l'astral peut être transformée. Ce qui fait que moi, je m'attends à une tentative de meurtre qui n'arrivera jamais parce que lui va avoir été tué lors d'un accident d'auto. Mais j'ai quand même lu la forme pensée dans l'astral, même si lui n'existe plus, forme pensée qu'il a émise, et je prévois. La prescience, ce n'est pas ça. La prescience, c'est la connaissance mentale des phénomènes, donc la connaissance logique, mathématique de toutes les conséquences d'un acte qui peut en amener un autre. Donc, la connaissance globale et complète de tous les phénomènes de manipulation, ce qui amène l'être humain à être prescient, l'être humain à savoir mathématiquement les possibilités d'avenir, les futurs possibles. Mais l'être humain peut connaître les futurs possibles seulement à partir de son intelligence artificielle. Alors, vous voyez bien que l'intelligence artificielle, c'est pas une chose stupide et absurde. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais qui n'a que différence avec l'intelligence active, c'est qu'elle est assujettie à des mémoires et à une expérience. Elle doit être calculatrice. L'intelligence active n'est pas calculatrice. Elle est conséquentielle, mais elle n'est pas calculatrice, elle n'est pas mathématique. Et l'intelligence de l'homme se doit d'être calculatrice, donc d'être mathématique, donc d'être logique. Et elle ne peut être logique qu'à partir de vérifications de faits par rapport à des expériences. Expériences immédiates ou expériences depuis longtemps. Alors, je veux sortir par une porte parce qu'il y a un tremblement de terre. Ou parce qu'il y a un incendie. Il y a 8 portes. L'intelligence artificielle de l'homme devra observer tous les endroits dans la pièce pour pouvoir déterminer laquelle des solutions est la plus parfaite. Il devra donc mémoriser la pièce, donc ça devient au niveau expérientiel, expérience immédiate mais mémorielle. À partir de là, il pourra comparer selon un processus mental, donc un processus qui n'est pas régi par la peur. Il ne prendra pas la porte la plus proche. Un processus régi par la logique. Je veux m'en sortir vivant, je veux m'en sortir avec le moins de blessures possible et je veux m'en sortir le plus rapidement possible. Je prends ces 3 critères-là, je les additionne et maintenant je dois comparer avec l'expérience mémorielle, donc disons la réalité immédiate ou la mémoire immédiate de la réalité, avec ces 3 choses-là. Et là, je détermine que cette porte-là est la plus sécuritaire, c'est la plus rapide, la moins dangereuse, je passe par là. Intelligence artificielle assujettie aux mémoires expérientielles. L'intelligence active va simplement faire en sorte que l'individu va savoir que le feu va prendre avant que le feu prenne. S'il décide de rester et de partir lorsque le feu est pris, il va simplement sortir par la bonne porte, mais sans jamais avoir eu à se demander par où sortir. S'il y a tremblement de terre, l'individu va être dans un endroit où il n'y aura aucun danger. Parce que l'individu saura d'avance ou immédiatement en même temps lorsqu'il devra le savoir ce qu'il aura à faire. Ça, c'est l'intelligence active et non pas passive. Elle ne dépend pas d'expérience. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant que vous comprenez peut-être que l'intelligence de l'homme est artificielle? Ben absolument rien. Perfectionnez cette intelligence artificielle. Comment la perfectionner? Par une programmation du mental. C'est lui l'intelligence. Qui va programmer vos désirs? Vos désirs vont programmer votre mental, mais plus l'homme va être apte à comprendre des choses, plus la programmation de l'astral sur le mental sera régie par les énergies du supramental qui sont rayonnantes, car elles ont été amenées sur la Terre par des individus qui sont en relation intime avec l'énergie supramentale. Donc, il n'y a presque plus de danger à accepter le fait que l'être humain est manipulé. Même l'être humain le plus relié est manipulé. Et c'est normal d'être manipulé. Le fait d'accepter d'être manipulé ne veut pas dire d'accepter le fait que nous sommes petits. La religion a souvent enseigné le fait que l'homme est un minable devant Dieu. Non. L'homme est manipulé par les forces de l'astral ou par les forces du supramental. Mais l'homme n'est pas petit. L'homme est extraordinairement grand parce que l'énergie supramentale qui est en phase involutionnaire a absolument besoin de l'être humain en phase évolutionnaire pour arriver à se parfaire. Dieu a besoin de l'homme. Et l'homme qui est apte à entrer en relation avec Dieu n'est pas un minable. Et perfectionnant son intelligence artificielle, il perfectionne une phase d'énergie similaire à la phase d'énergie la plus basse du plan divin. Donc, l'homme perfectionne une copie de Dieu et perfectionnant cette copie de Dieu, il se rapproche de Dieu. Et si c'est une copie, l'homme n'est pas un imbécile et l'homme n'est pas un minable parce que l'homme ne peut faire qu'une copie. Dieu ne peut pas faire cette copie et Dieu a besoin de l'homme. L'énergie supramentale qui est en phase involutionnaire va terminer sa phase involutionnaire lorsqu'il pourra accéder aux connaissances expérientielles de l'être humain évolutionnaire. Donc, ce qui descend va terminer sa descente lorsqu'il rencontrera une énergie qui a en expérience toute l'expérience du plan planétaire. Donc, l'expérience du supramental s'arrêtera à la tête de l'homme. L'expérience supramentale n'aura pas besoin de revivre le phénomène expérientiel que l'homme a déjà vécu. La chute de l'homme, l'expérience supramentale n'ira pas jusque-là parce que l'homme l'a déjà fait. Alors, l'homme n'est pas un imbécile, l'homme est un être royal. L'homme est un être qui a une intelligence artificielle et il doit développer cette intelligence artificielle-là pour pouvoir créer en lui un plan mental qui vibrera le plus similairement possible au plan de l'intelligence active, au plan de l'énergie du mental supérieur, donc du supramental. Alors, vive l'intelligence artificielle! Et tant que l'homme en est conscient, l'homme ne risque presque pas de tomber dans l'orgueil supramental, celui où il croira avoir une intelligence directe, quand en réalité, il aura une intelligence mémorielle. Tu as répondu en partie à la question, mais par contre, j'ai trois questions avec des petites variantes que je vais te poser. Que l'on se conscientise ou non, on est manipulé. Peut-on espérer un jour penser avec une intelligence pure, réelle, ou est-on condamné à mourir idiot? Voilà. Il faut comprendre, j'ai déjà expliqué, c'est insuffisamment compris. Je vais retenter l'explication. L'être humain n'est pas son ego et l'être humain n'est pas son astral. Vous n'êtes pas des êtres humains, c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'être dans son ensemble. Et n'étant pas l'être dans son ensemble, ben vous voulez toujours essayer de dominer l'être au complet. J'ai un bac d'eau. Une parcelle, un niveau de ce bac-là, c'est vous autres. C'est vous autres dans votre conscience. Une parcelle du bas, c'est vos énergies inférieures, donc jusqu'à matériel, corps physique. Et la parcelle d'en haut, c'est l'énergie supérieure. Tout ça, c'est vous autres. Mais vous n'avez conscience que du centre de vous et vous pensez que ce centre-là, c'est tout vous. Alors, est-ce que moi, le centre, je vais arrêter d'être manipulé par par le supérieur ou arrêter d'être manipulé par l'inférieur? Et merde, un jour, comprenez que vous qui voulez cesser d'être manipulé, vous n'êtes qu'une partie de l'être. Alors jamais la partie de l'être cessera d'être manipulée par l'être. Un jour, votre état de conscience devra s'étirer pour arriver à prendre conscience de l'être global. Et l'être global n'est pas manipulé. L'être en partie est manipulé. Et l'expérience de l'homme amène l'homme à s'identifier à son ego, à ses mémoires et à l'agglomération la plus solide de ses mémoires. Vous êtes vos mémoires. Vous êtes votre expérience. Vous êtes ce que la vie a décidé que vous étiez et vous croyez que vous autres, vous êtes l'être en entier, possédant un corps physique, étant manipulé par un corps physique qui vous oblige à manger, qui vous oblige à dormir parce que vous êtes manipulé par un corps vital et qui vous oblige à être manipulé par l'énergie supérieure. Mais comprenez-le à un moment donné que vous autres, la petite fleur qui est ici, vous n'êtes pas l'être en entier. Donc, non. Jamais l'homme psychologique, vous autres, jamais vous allez vous débarrasser de la manipulation. Vous allez devenir le manipulateur ou vous allez rester manipulé. Et quand vous allez devenir le manipulateur, cela va vouloir dire que vous allez devoir accepter d'être manipulé par une énergie supérieure. Qu'est-ce que la fusion? La fusion, c'est pas une mode. La fusion, c'est pas un concept. La fusion, c'est quand tous les égos de chacun des corps arrivent à pouvoir travailler ensemble. Donc, quand chaque égo accepte d'être manipulé par l'égo supérieur, et quand chacun des égos accepte cela, automatiquement, il peut y avoir fusion. Donc, fusion des égos, disparition des égos et création d'un être non manipulé. En attendant, votre tête manipule vos bras. Et si vos bras demandent, quand est-ce qu'un jour je vais arrêter d'être manipulé? Et quand est-ce qu'un jour je vais pouvoir manipuler? Mais jamais. Pas compliqué, jamais. Alors, essayez de comprendre qu'à un moment donné, la tête va te manipuler. Puis la tête, elle va te manipuler selon la possibilité que tu vas avoir d'être manipulé. La tête étant intelligente, elle ne te demandera pas de transverser l'océan Pacifique dans l'océan Atlantique avec tes mains. Mais la main, elle veut que le pied fasse ça. La main veut que l'énergie de la tête soit soumise à ce que la main veut faire, parce que la main s'identifie et la main se croit être l'être en entier. Et elle braille. Mais jamais. Alors, peut-on espérer un jour penser avec une intelligence pure? L'intelligence pure, un jour, va venir en vous, va faire taire ce qui est vous et va penser à votre place. Et là, oui, vous allez penser avec une intelligence pure. Et cette intelligence pure-là ne vient pas d'une grosse bébête à huit pattes qui est à l'extérieur de l'homme. Elle fait partie de vous autres, mais vous ne la connaissez pas parce que vous vous identifiez à une autre partie de vous autres. Et vous identifiant à une autre partie de vous autres, vous espérez qu'un jour vous allez manipuler Dieu pour enfin être libre. Non, Dieu va vous manipuler, Dieu va rentrer en vous, puis toutes les cochonneries qui sont en vous, il va les purifier, donc il va les détruire, et là, vous allez devenir la chose. À huit pattes. Est-ce qu'on est condamné à mourir idiot? Mais absolument pas, à part les idiots, évidemment, qui sont condamnés à mourir idiot. L'être humain, non. Mais l'être humain qui est lui-même et qui est la main et qui se dit, mais c'est pas moi qui pense, est-ce que je suis condamné à mourir sans penser? Oui. Oui, parce que la personne, l'être, l'énergie qui s'identifie à l'être en entier, et c'est le problème de l'astral planétaire et de l'astral individuel, le problème qui l'empêche. Et pourquoi pensez-vous que vous colorez toutes les connaissances et que l'homme colore les énergies intelligentes? Il se croit l'intelligence. Donc, quand une énergie rentre, ben, il la transforme, parce qu'il se croit le supérieur. Il se croit la matrice parfaite. En réalité, il est un morceau du tout. Et le morceau veut contrôler le tout. Mais le morceau qui veut contrôler le tout va mourir sans jamais avoir réussi à contrôler le tout. Le mieux qui peut lui arriver, c'est qu'il ait l'impression. Impression de liberté, impression de contrôler, ou pas d'impression pantoute. Il est perdu. Alors, ce qui fait que... Ce qui fait que, est-ce qu'un jour, moi, le corps, je vais avoir des émotions? Non, t'en auras jamais. Est-ce qu'un jour, moi, l'énergie vitale, je vais pouvoir lever le verre d'eau? Non, jamais. Est-ce qu'un jour, moi, l'énergie psychologique de l'astral, je vais pouvoir réfléchir conséquentiellement? Non, jamais. Est-ce que moi, l'énergie mentale, je vais être capable de tout savoir dans l'instantané? Non, jamais. Est-ce que moi, l'énergie supramentale, je vais être libéré du temps et de l'espace? Non, jamais. Alors, si l'individu, le corps, veut lever le verre d'eau, il lève le verre d'eau. Si le corps, si l'énergie vitale, plutôt, veut transformer une forme, elle transforme une forme. Si l'énergie de l'astral veut exprimer une émotion, elle exprime une émotion. Si l'énergie mentale veut agir conséquentiellement, il pourra agir conséquentiellement. Et si l'énergie supramentale veut agir avec une connaissance dans l'instantanéité, elle le fera. Ici, l'énergie divine, deux fois plus haut que l'énergie supramentale, veut agir dans un endroit inspatial et intemporel, il le fera. Il le fera seulement si toutes les énergies sont en fusion. Alors, celui qui pose la question quand il se demande s'il va mourir idiot, c'est l'énergie psychologique. Celui-là va mourir idiot. Mais pas l'être humain dans sa globalité qui est vous autres. Il mourra s'il reste au niveau du mental avec une énergie mentale, une intelligence artificielle extraordinairement similaire à l'énergie supramentale. Il mourra donc hyper intelligent, plus génial que nos ordinateurs. Parce que l'être humain est beaucoup plus efficace qu'un ordinateur. Mais l'être humain ne s'est jamais développé. Il commence à se développer. Alors il a commencé par exprimer l'intelligence qu'il aura dans un mécanisme matériel et maintenant il n'a, comme l'alchimie le fait, qu'à parcourir les étapes pour arriver à l'ordinateur. On prend du plomb, on le transforme en or. Cela veut dire que vous êtes du plomb, maintenant faites la démarche, purifiez-vous pour devenir aussi pur que l'or. Pas pour devenir en or. Mais la démarche, une fois qu'on l'a fait dans la matière, elle est symbolique et l'homme doit le vivre dans sa psychologie évolutionnaire. Alors, ce qui fait que l'être humain est condamné à être ce qu'il est. Votre physique ne sera jamais intelligent. Il n'aura jamais d'émotion. Votre énergie astrale aura toujours des émotions et elle ne sera jamais intelligente. Votre énergie mentale, elle sera intelligente, mais jamais dans l'immédiat. C'est pas d'être idiot. Et si on se croit idiot, c'est parce qu'on compare, de par notre psychologie, ce que l'on veut être avec ce qu'on est. Il est donc impossible de devenir un canal parfait. Il faut être un canal parfait dès sa naissance. Mais jusqu'à quel niveau de perfection un canal imparfait peut-il devenir parfait? Un canal imparfait peut devenir parfait dans la plus grande des perfections. Alors, je n'ai jamais dit que vous deviez naître pour être un canal parfait. Celui qui va naître ou qui naît présentement ou qui va naître prochainement et qui, de par un mixage génétique, naît avec un canal presque parfait au niveau de son corps physique, lui, disons qu'il naît avec un canal parfait, il est en relation avec l'énergie supramentale. Mais les autres êtres humains, qui ont des canaux imparfaits en travaillant leur énergie mentale, donc l'intelligence artificielle, et en sachant bien qu'elle n'est qu'artificielle parce que reliée aux mémoires et assujettie aux mémoires, ceux-là peuvent, et sans doute plusieurs, finiront par avoir un canal parfait. Mais le premier canal parfait doit être dans le plan du vital, le deuxième dans le plan de l'astral, le troisième dans le plan du mental, et le plan du supramental, ça vous regarde pas, il va se placer tout seul. Pourquoi ça vous regarde pas? Pour la simple raison que vous êtes présentement que des êtres psychologiques et mentaux. Vous n'êtes pas des êtres supramentaux, donc le supramental ne vous regarde pas vous autres en tant qu'être mental et psychologique. Soyons logiques. Le plan physique n'a pas à déterminer ce que la psychologie de l'astral va exprimer en émotivité. Et le plan du mental ou de l'énergie astrale n'a pas à déterminer de quelle façon l'énergie supramentale aura à bâtir un canal. Et c'est ce que présentement la majorité des individus essaient de faire. De déterminer comment Dieu devra être vêtu pour se présenter devant leur face. Et Dieu, il ne se présente pas vêtu comme qu'ils veulent, puis Dieu passe en coup de vent, puis eux autres, ils crient après Satan. Bon Dieu qui leur donne des claques. Alors, ce qui fait que l'individu qui a un canal imparfait peut le perfectionner, et il va le perfectionner. La meilleure perfection, elle est promise par la descendance génétique. Mais s'il y a une transformation dans la descendance génétique, c'est parce qu'il y a une mutation chez l'individu, aussi minime soit-elle. Et l'individu, présentement, avec le mental qu'il a, aussi artificiel soit-il, aussi assujetti aux mémoires soit-il, n'a qu'à fouiller, qu'à remplir ses mémoires de certaines choses, ce que l'on fait présentement, pour nécessairement opérer une transformation dans sa programmation mentale, donc lentement le canal se parfait. Sauf que l'individu ne doit pas penser que son canal est parfait. L'individu ne saura jamais, c'est-à-dire que vous autres, vous ne saurez jamais quand votre canal va être parfait. À l'instant même, vous allez continuer à progresser et que vous n'aurez plus le désir d'être parfait, vous serez sans doute proche de la perfection. Mais quand je dis vous autres, vous ne saurez pas, votre plan supramental va le savoir, votre plan mental va le savoir, pas votre plan psychologique. Puis votre plan psychologique, c'est pas juste vous autres, c'est pas toutes vous autres. Fait que pleurez pas en dessous de votre oreiller, parce que seul votre plan psychologique va l'ignorer. C'est pas vous autres, votre plan psychologique. Si un jour, quelqu'un arrive et vous garoche un verre d'eau en plein visage, vous allez crier, vous allez gueuler, vous allez rouspéter. C'est votre plan psychologique qui s'exprime, mais vous autres là-dedans, vous êtes où? Est-ce que vous avez pris une décision de gueuler après l'individu? Est-ce que vous avez pris une décision de manipuler votre corps physique pour pouvoir sauter sur l'individu? Non, hein? Où est-ce que vous êtes, vous autres, quand ça arrive? Nulle part. Votre plan mental n'est plus là. Mais vous avez aussi un égo mental. Où est-ce que vous êtes? Nulle part. C'est votre psychologie qui s'exprime. Mais à un moment donné, c'est votre mental qui va s'exprimer et la psychologie, vous allez la chercher? Au même titre que vous cherchez votre mental quand vous gueulez, au même titre vous allez chercher votre psychologie quand vous allez réfléchir. Mais vous allez toujours avoir une conscience de vous. Mais l'être humain qui pose certains genres de questions, l'être humain psychologique, lui, ne sera pas là quand vous allez être en relation avec l'énergie supramentale. Mais vous autres, l'énergie mentale en vous autres, vous allez être là. Et cette énergie-là, donc vous autres, le mental, vous allez le savoir, pas vous autres, le psychologique. Et quand vous autres, le psychologique, vous allez le savoir, vous allez triper. Puis vous autres, le mental, vous ne le saurez plus. Vous allez juste savoir que vous l'avez su, pendant que l'énergie de l'astral va s'imaginer qu'il l'a. C'est compliqué, trop compliqué. Bon, ben vous l'écouterez après, vous allez comprendre. Comment être sûr qu'on n'est pas manipulé par nos guides spirituels qui possèdent une intelligence supérieure à nous? À 13 ans, j'ai reçu le don d'arrêter les hémorragies de mon vieux curé guérisseur parce que j'étais forte intellectuellement, artificiellement. Ce vieux prêtre est venu à moi en rêve me demander de transférer ce don à une personne qui m'a aidé spirituellement à traverser une épreuve. Que se passe-t-il dans l'invisible lors de ce transfert de don? Grand merci. Bon, le transfert de don, c'est simplement une forme de vibration qui est émise par une entité de l'astral spirituel, entité non déformée encore, donc non digérée par le plan astral planétaire. Autrement dit, les phases purgatorielles de l'individu dans la psychologie, une fois sa mort arrivée, ne sont pas complétées. Si l'individu est vivant, bien évidemment, elles ne sont même pas en opération. Au niveau du plan vibratoire, on peut transmettre à une psychologie qui est manipulable, donc une psychologie qui est en résonance une forme de vibration psychologique est en résonance avec une autre forme de vibration psychologique. Moi, le guérisseur, je suis une forme de vibration psychologique et toi, tu as une forme similaire. Donc, en rêve, dans l'astral, étant donné que ce sont des phénomènes astraux, je viens et je te communique une expérience de l'astral. Je te communique le fait que moi, je guéris. Donc, mon mental et ma psychologie consciente savent que je guéris les hémorragies, qui est un phénomène d'expression de l'énergie vitale, et j'en suis convaincu, je l'ai faite. Je prends donc cette expérience et, de par le voyage astral, donc l'expérience de l'astral, je te l'inculque. Cette expérience qui était mienne devient aussi la tienne, mais elle est tellement enfouie au niveau de tes mémoires volatiles que dans ta conscience, tu n'as pas l'idée de l'expérience de guérisseur. Par contre, tu en as la conviction. En ayant la conviction, la psychologie de l'astral manipulant l'énergie vitale et manipulant l'énergie physique, ce qui d'ailleurs va causer des maladies psychosomatiques, elle va aussi manipuler l'énergie vitale pour pouvoir transmuer un corps physique qui saigne, donc bloquer une hémorragie. Or, c'est un phénomène qui est normal, phénomène qui est très courant chez les individus. Le fait d'être manipulé par une intelligence de l'astral, un guide spirituel, qui n'est autre qu'une intelligence de l'astral, le fait d'être manipulé, comment le détecter? Ben, c'est bien simple. Seul le mental de l'être humain va être capable de le détecter. Et tant que vous faites des choses qui sont en accord avec une énergie évoluante, manipulé ou non, faites-le. Si vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vos concepts mentaux, pas vos concepts astraux, vos concepts mentaux, alors là, faites-le plus. Si vous êtes assujetti à la culpabilisation, vous êtes drôlement manipulé et drôlement mal pris. Alors, si un jour, vous n'avez pas arrêté une hémorragie, c'est tout. Et si vous vous sentez coupable, votre guide spirituel vous manipule en maudit. Et lui, il n'a rien à faire à vous manipuler. Alors, ce qui fait que la culpabilisation est souvent un don donné en même temps que l'aide d'un guide spirituel. On se doit de croire et on se doit de se vouer au guide, normalement. Alors, ce qui fait que ces choses-là, on ne le fait pas. L'individu dans l'astral est la même chose qu'une mémoire sur une photo. Et si vous voyez une personne avec une hémorragie, on peut tenter d'arrêter l'hémorragie. Et si on voit une photo d'une personne avec une hémorragie, ben on ne pose pas un garrot après la photo. Autrement dit, la mémoire de notre guide spirituel n'a pas plus de valeur dans la réalité que la photo. Alors, si notre guide spirituel vient nous dire de faire telle ou telle ou telle chose, c'est pas parce que j'ai appris à mettre des garrots quand je vois une hémorragie que j'en mets après la photo. Autrement dit, je ne réagis pas quand je vois la photo, je ne réagis pas non plus quand mon guide spirituel vient me demander telle ou telle chose. Si mon mental fait avec, je peux. Mais tout ça dépend simplement de l'évolution de l'énergie mentale de l'être humain. Alors, comment faire? Tout dépend simplement de vous. C'est à vous de déterminer si vous êtes prêt à discerner la manipulation de votre guide et à discerner les choses intelligentes qu'il peut vous apprendre. Le guide spirituel est une forme mémorielle qui peut venir d'un plan similaire au vôtre, donc il n'a rien à vous apprendre ou presque rien à vous apprendre, comme il peut venir d'une forme spirituelle de l'astral supérieure à la vôtre. Là, il aurait à vous apprendre. Mais sachez toujours qu'un individu, un guide de lumière ou un guide de n'importe quoi qui vient voir un individu, c'est un individu qui est pogné, qui est pris dans les hautes sphères de l'astral spirituel et qui ne peut plus s'exprimer dans le domaine de la matière. Il ne sait souvent pas qu'il est mort et il essaie toujours d'exprimer sa psychologie dans la matière. Ne pouvant le faire parce qu'il est dans des phases purgatorielles où le corps physique est absent parce que déjà digéré par le plan planétaire, il essaiera de se servir d'un individu pour pouvoir exprimer sa psychologie dans le plan matériel. Donc, il ira te guider à faire du bien. C'est-à-dire que sa psychologie astrale va s'exprimer par ton intermédiaire dans le plan matériel. Ce sont des êtres pognés, des êtres qui ont à être digérés par le plan planétaire pour pouvoir poursuivre leur évolution. Et tant que vous autres, vous allez être un support à l'expression d'un guide, vous empêchez le guide d'évoluer, vous nuisez à l'évolution du guide et vous empêchez la vôtre. Alors, ce qui fait que, si vous avez un don, tant mieux. En réalité, c'est pas un don, c'est une croyance. Tous les êtres humains l'ont, mais les êtres humains sont convaincus qu'ils ne l'ont pas. Alors, le fait qu'on vous inculque le fait que vous l'avez, vous mettez à y croire, ce qui fait qu'automatiquement, vous avez le résultat. Pour le reste, laissez les morts enterrer les morts. partie par le zen, la méditation, le yoga, le bouddhisme ou autres pratiques religieuses, on ne peut que parvenir temporairement à redresser notre passage ou notre tuyau, si tu veux. Comment faire alors pour connaître ou vivre cet état de grâce d'une façon plus permanente? Est-ce possible de ne plus être impressionné? C'est possible de ne plus être impressionné. La méthode zen l'a permis à certaines personnes, sauf que ces personnes-là ont pu arriver à un état parfait de canalisation d'énergie supramentale sur le dos de milliers de disciples qui ont servi de base et de fondement. Alors, ce qui fait que dans une collectivité, on doit donc procéder par d'autres moyens pour permettre à plus d'individus d'arriver à avoir un canal qui va être équilibré. L'énergie supramentale va s'occuper de balancer suffisamment de forme dans les airs pour permettre à des individus de souffrir suffisamment pour que leur psychologie astrale se mette en fonction d'obliger leur canal à se redresser. Une phase qui va toucher la collectivité, donc l'ensemble de la population, la souffrance. La souffrance comme la population ne l'a jamais connue. Les autres individus qui n'ont pas nécessairement besoin de souffrir sont des individus qui auront à redresser leur canal à partir de leur énergie mentale. Donc, l'énergie mentale les rapprochera de l'énergie supramentale par l'attraction d'un ajusteur de pensée. Donc, automatiquement, l'individu sera capable, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, de redresser son canal. À la condition que continuellement, il sache qu'il n'est pas l'être au complet. Donc, qu'il n'a pas finalisé sa conscientisation et qu'il n'est pas en fusion. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué d'arriver à exprimer avec les mots présents dans un vocabulaire plus ou moins compréhensible par vous. Déjà que mon vocabulaire est de plus en plus complexe, déjà que mon vocabulaire est difficilement compréhensible par des nouvelles personnes, l'expliquer serait totalement incompréhensible par vous malgré la formation ésotérique que la majorité d'entre vous ont. Alors, ce qui fait que, à un moment donné, les canaux vont se redresser par l'ajusteur de pensée qui pourra travailler par l'intermédiaire de votre énergie mentale, qui devra être suffisamment énergisé, donc suffisamment développé. Comment énergiser l'énergie mentale? De la même façon qu'on a réussi à énergiser l'énergie de l'astral. Comment avons-nous énergisé l'énergie de l'astral? En créant des formes, en créant des guerres, en créant les modes, en créant des couleurs. D'ailleurs, le conte de Saint-Germain s'est donné comme première formation à l'époque européenne, disons au Moyen Âge, de dynamiser, d'énergiser l'énergie astrale en créant des couleurs, les teintures pour les cheveux pour les femmes, les modes absolument incroyables, où tu transportais quasiment 50 livres de linge sur le dos, avec des chapeaux qui auraient pu abriter une population entière, en cas de pluie. Alors, ce qui fait que du moins, on est arrivé à une forme d'énergisation de l'astral. Comment énergiser le mental pour lui permettre un développement pour arriver à l'ajusteur de pensée? Simplement par la réflexion du mental. Comment réfléchir mentalement sans risquer d'être coloré par le mental? Réfléchir d'une façon mathématique. Donc, l'énergie supramentale a donc permis présentement l'instauration de la micro-informatique, ce qui amène plusieurs individus à devenir mental. L'individu par plusieurs techniques de style de l'astral, de style zen, style bouddhiste, style yogique, style religieuse. Donc, plusieurs techniques, mais qui ne sont reliées qu'à l'énergie mentale, technique mentale permettant de contrôler le corps, peut arriver donc à faire travailler son mental. Mais l'individu qui veut énergiser son mental ne doit jamais rechercher le résultat dans l'immédiat. Le mental est patient, l'astral est très impatient. Si à un moment donné, par une technique, vous trouvez que c'est long, une technique qui est suffisamment probante, c'est votre psychologie qui recherche le résultat. Et votre psychologie n'aura pas de résultat tant que le mental ne sera pas arrivé à un résultat. Au résultat, disons, aboutissant à la technique. Alors, ce qui fait que l'individu peut donc arriver à redresser ses canaux dans son vivant par l'énergie mentale. Mais encore là, c'est difficilement compréhensible. L'énergie de la parole, l'énergie sous-jacente à la parole, va opérer des transformations simplement en plaçant dans les mémoires volatiles de l'être humain, dans l'expérience de l'être humain, certaines bases. Et à la longue, ces bases-là vont finir par aboutir en une compréhension. Compréhension qui va permettre à l'individu de se mettre en formation, donc d'opérer une transformation. Et la transformation va donc redresser les canaux parce qu'elle va permettre à l'énergie supramentale de descendre de plus en plus rapidement chez l'être humain. L'énergie supramentale bouscule. Si on réussit à laisser l'énergie supramentale pénétrer dans le canal de l'astral ou de la psychologie mentale de l'être humain, l'énergie supramentale est tellement puissante qu'il devra non pas laisser de traces s'il rentre suffisamment puissamment dans la mémoire, il percera simplement votre tuyau. Reprenons l'exemple de notre tuyau. Votre tuyau est croche. Les énergies qui traversent dedans sont trop faibles. L'énergie astrale, l'énergie mentale. Alors, ce qui fait que ça va, l'énergie va donc être déviée dans le tuyau en gravant dans les coudes. L'idée du passage. Tout à l'heure, on parlait des gyrotrons, des accélérateurs de particules. Alors, on a des immenses couloirs qui sont circulaires, qui ont des courbes, à l'intérieur desquels les physiciens vont accélérer une particule nucléaire. L'atome, on n'en a jamais vu. On n'a aucune preuve de l'existence de l'atome. C'est-à-dire qu'on en a une. Par les traces qu'il laisse dans l'accélérateur de particules lorsqu'il frappe les parois. Il laisse des traces. Par ces traces, on peut penser que l'atome existe. L'énergie supramentale laisse les mêmes traces dans votre tube astral et mental. Vous ne pouvez connaître l'énergie supramentale, mais vous pouvez en connaître les traces, comme les physiciens connaissent l'atome. Si l'énergie supramentale descend puissamment, votre tuyau ne pourra pas dévier l'énergie supramentale. L'énergie supramentale va simplement le percer et le détruire. Donc, l'énergie supramentale qui descend trop rapidement chez l'être humain le détruit. L'énergie supramentale est intelligente, donc elle ne descend pas rapidement chez l'être humain. Et normalement, il y a un ajusteur de pensée, collectif ou individuel, qui va veiller à un espèce de petit diaphragme, qui va réduire l'entrée d'énergie supramentale. Et ce diaphragme-là ne peut être ouvert que par l'énergie mentale. Et l'énergie de l'ajusteur de pensée va veiller à ce qu'il ne s'ouvre pas trop. Alors, on a en dessous l'énergie mentale qui va forcer l'ouverture à s'agrandir, et par-dessus l'énergie aberrée du support mental, l'ajusteur de pensée, qui va servir de frein à l'ouverture du canal pour éviter que l'individu soit détruit. Alors, ce qui fait que si on a un petit peu d'énergie supramentale qui pénètre, elle est insuffisamment puissante pour détruire le canal, qui est tout croche, elle va donc être déviée, elle va laisser des traces comme les particules dans les accélérateurs. Donc, vous allez avoir des connaissances de l'énergie supramentale, qui vont être réelles, évidemment. Alors, donc, par le mental, l'individu qui arrive suffisamment à énergiser son mental va pouvoir réussir à, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, à redresser ses canaux pour permettre à l'énergie supramentale de pouvoir y circuler librement. C'est un résumé. Doit-on s'inquiéter de perte de conscience subite, réelle? On ne doit s'inquiéter de rien. Perte de conscience subite. S'en inquiéter? Non. Mentalement, voir ce qui peut en causer? Oui. S'en inquiéter? Non. L'inquiétude est une observation de l'astral, de la psychologie. La recherche pour en connaître les causes est une observation du mental. La recherche pour en connaître les causes peut être demandée par la peur de la psychologie, par l'inquiétude, ou par la logique fondamentale qui dit qu'un être humain ne devrait pas perdre connaissance de temps en temps. Alors, ce qui fait que perte de mémoire ou perte de conscience subite, on doit mentalement essayer d'en découvrir les causes si possibilité est. Non pas s'en inquiéter. L'énergie supramentale qui descend chez l'être humain va obliger les cellules neurologiques du cerveau à se transformer. C'est-à-dire que les programmations génétiques de l'être humain, on appelle ça la ROM en informatique, vont être transformées. Alors l'être humain qui normalement suit par son schéma neurologique un cheminement bien particulier pour aller fouiller dans ses mémoires, voit à un moment donné certaines cellules se connecter à d'autres cellules. Le cheminement normal est détruit pour passer à un cheminement plus efficace. Le temps que le cheminement normal est détruit et le temps que le cheminement plus efficace est à construire, ben, il y a perte de mémoire. Perte de mémoire chez les individus qui se conscientisent, ben, c'est un symptôme de la conscientisation. Mais ça peut être aussi un symptôme d'anorexie cérébrale ou de manque d'oxygène au niveau des cellules. Alors donc, ça peut être plusieurs symptômes qui sont normaux du plan physique, mais ça peut être aussi des symptômes tout à fait normaux de la mutation psychologique, de la mutation neurologique physique. Alors, ce qui fait que plusieurs raisons. Il faut simplement poser des questions comme ça, mais le fait de s'inquiéter, c'est beaucoup plus important que de perdre la mémoire. Oubliez que vous vous inquiétez. OK. Mais inquiétez-vous pas, vous oubliez. Avec ce qu'on sait du canal, l'humain ne semble pas constitué pour recevoir l'intelligence. Y a-t-il une raison de vouloir devenir conscient en sachant que même en samadhi, c'est une illusion ou une parcelle de mémoire? Bon. Il n'y a pas de raison de vouloir devenir conscient. L'homme n'a pas le choix. Il est manipulé et il deviendra divin. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une raison. Maintenant, l'idée même, c'est que lorsqu'on rencontre un individu qui est, disons, tout proche ou qui rayonne l'énergie supramentale, cela va nous impressionner. Donc, cela va créer une forme à l'intérieur de nous qui va nous mettre en recherche de devenir comme lui. Ce que le Nazaréen a opéré, ce que le Bouddha a opéré, ce que différents individus ont opéré. Alors, ce qui fait qu'on a une recherche de par notre désir de vouloir fuir nos peurs et nos problèmes. Sinon, l'être humain est obligé d'évoluer de toute façon. Alors, l'être humain n'est pas constitué présentement pour recevoir l'intelligence. Par contre, il est constitué totalement pour pouvoir se transformer pour accueillir l'intelligence, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, l'être humain a déjà eu, disons que là, on n'aura pas le temps de l'expliquer, a déjà été à un niveau extrêmement plus supérieur au nôtre. Et l'être humain s'est aberré jusqu'à arriver à un niveau totalement matériel. Et présentement, il ne peut pas aller plus bas. Ne pouvant pas aller plus bas, ben les énergies qu'il reçoit, il ne peut donc les interpréter pour baisser. Il les interprète donc pour monter. Donc, l'être humain n'a plus le choix. Il doit vaguer, mais en montant. Il n'a plus aucun choix. Y a-t-il une raison de vouloir devenir conscient? Voilà pourquoi. En sachant que même en samadhi, donc, disons, dans le plan hautement spirituel de la jouissance de la psychologie, le samadhi, c'est une illusion ou une parcelle de mémoire. Le samadhi amène l'individu à découvrir qu'il existe une énergie supramentale qui vient l'impressionner. L'individu en samadhi, qui reste totalement mental, ben, a donc maintenant une preuve psychologique de l'existence de ces énergies. Si par après, donc après l'obtention du samadhi, il ne recherche plus jamais le samadhi, il ne reste pas manipulé à la jouissance mémorielle du samadhi ou de l'illumination sublime. Alors, l'individu qui arrive à une illumination, à une jouissance extraordinaire parce qu'il y a l'élévation d'énergie vibratoire, une fois qu'il l'a obtenue, il sait maintenant c'est quoi. Il ne doit plus jamais la rechercher par les mêmes techniques, il doit maintenant se transformer pour devenir l'énergie vivante de ce qu'il a connu. Ce qui n'est pas le cas, l'individu goûtant le samadhi recherche à recréer le même phénomène, donc il est complètement perdu dans ses mémoires de l'astral. Donc, il a eu une expérience de plus, et plus il sait, moins il sait. Alors, ce qui fait que le samadhi, c'est bon quand vous l'avez une fois. Le problème qu'il y a, c'est que les millions d'individus qui l'ont eu une fois recherchent encore à le revoir une autre fois. Ça fait des bons guides quand c'est mort. Quelqu'un qui a de la difficulté à aimer, à s'attacher à d'autres personnes, cela veut-il dire qu'il est moins manipulé par l'astral? Non, cela veut simplement dire que dans une des formes d'expressivité de l'astral, il y a une différence avec autrui. Cela veut simplement dire cela. Le fait d'être attaché à quelqu'un, c'est une manipulation. Le fait de ne pas être attaché ne veut rien dire. Le fait d'haïr, évidemment, veut tout dire. Alors, le fait de ne pas être attaché, disons que l'individu peut ne pas être attaché, l'individu peut par contre, il y a tellement de formes d'attachement, d'amour, qui ne sont pas vécues par l'individu comme l'amour, disons, psychologique collectif, alors ce qui fait que la question ne définit pas suffisamment le non-attachement. Mais dans la réalité, l'être humain doit arriver pour être libre, donc être non-manipulé, à ne plus être attaché à rien et ne plus avoir rien non plus à ne pas être attaché. Donc s'il désire ou s'il est conscient qu'il n'est pas attaché, il est attaché au fait de ne pas être attaché. Alors, ce qui fait que, disons, que je ne peux répondre suffisamment à la question pour la simple raison qu'elle n'est pas suffisamment élaborée et qu'il ne reste qu'à quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Alors, ce qui fait que je passe à l'autre question. La dernière question ici. Il me semble que la vie quotidienne est une suite de manipulations positives ou négatives. Je vois mal comment échapper à cette manipulation. Pourquoi vouloir s'en échapper? On ne peut s'en échapper. Vous sortez dehors, il vous pleut à la face. Vous aimez pas ça? Bon, alors, transformez tout. Puis lui, il aime ça quand il peut sa face, fait qu'il est à côté de vous, il transforme encore tout. Alors, où voulez-vous échapper à la manipulation? La perception de la manipulation, ça, vous pouvez la transformer. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'individu ne doit pas chercher à échapper à la manipulation. Il doit connaître les mécanismes qui le manipulent pour... Qu'est-ce qui fait qu'on est manipulé? Et à quoi on doit s'échapper? C'est dans l'expressivité que nous, on va émettre de la manipulation. Alors, ce qui fait qu'il me pleut sur le visage, je me mets à chialer. Là, j'exprime une manipulation qui est malsaine pour l'homme. Le fait qu'il me pleuve sur le visage n'a aucune importance à mon évolution. Je suis manipulé. Tu me bouscules, je suis manipulé. Mais c'est pas ça que vous devez changer. C'est ce que vous en faites, vous autres. Parce que manipuler le corps physique, c'est dans la loi même de la manipulation de la matière. C'est la limite de la matière. Mais le fait que je manipule le physique et que je manipule en même temps ta psychologie parce que je te frustre, ça, c'est pas dans les limites de l'expression de l'astral. Donc, la manipulation, elle est au niveau de l'individu qui ne peut pas réussir à...